Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Chers camarades, l'oppression n'a que trop duré. Nous, provinciaux, nous sommes victimes d'oppression systémique par le phénomène du parisiano-centrisme. Une caste de podcasteurs intramuros qui se moque éperdument de la diversité du podcast. Nous subissons un parisiano-splaining, un racisme anti-province qui vise à nous invisibiliser. Il est venu l'heure, le temps pour nous de reprendre ce qui nous est dû. Ici, dans l'apéro original, nous illustrons l'intersectionnalité de la bonne humeur du Sud-Ouest, du vin, du saucisson, des brasseurs locaux et bien évidemment des dealers d'animaux. Le temps de la reconquête approche, nous devons reprendre notre place. Ce racisme régionaliste n'a que trop duré. Non, au cyber-harcèlement de la province. Attention tout de même, ces fachos et autres réactionnaires là essaient aussi de voler ce qui nous identifie. Ces nice parisiens s'approprient notre culture et tentent même, le cutéreux washing. Mais check tes privilèges, putain! Un podcasteur parisien, c'est une personne qui fait du podcast comme toi, mais que tu n'aimes pas. Oh le con! Bonjour à vous et bienvenue dans cet épisode. C'était plus court que ce que j'aurais imaginé. Oui, non, bah, tu sais, j'avais déjà mis check tes privilèges et tout au bout d'un moment. Mais... Et puis bonjour Paris surtout. Voilà. Oh, fallait la faire, ça fait du bien. Bien sûr, ça fait toujours du bien. Donc bienvenue dans cet épisode 14.2 déjà de l'apéro original. On est au mois de novembre. Il paraît. Ouais, il paraît. Donc il va falloir préparer. Un t-shirt, un short. Il va falloir préparer les cadeaux. Il y a Halloween. C'est ça. C'est pas Halloween. T'as un mois de retard. T'as deux mois de retard. Bon. Ouais. Vivement la rentrée. Non, t'as commencé à avoir la tête dans les cadeaux, sauf si t'es minimaliste, tu leur fais des fuck. Mais des fuck minimalistes. Des fuck minimalistes. Ça, c'est des fuck, mais des tout petits fuck. Des tout petits fuck. Mais fait avec des fuck. Ah, mais c'est fait avec amour. C'est fait intentionnellement. Ouais. C'est fait avec des dents. Voilà, tu peux, la rigueur. Là, donc, là. Non, voilà, nous sommes au mois de novembre, bien évidemment. Et les vrais seront que nous ne sommes pas du tout au mois de novembre. Alors, on va rappeler qu'autour de la table, alors, on a les traditionnels sociétaires. Hein, donc, nous avons Philippe Bouvard. Ah non, pardon. On a Pierre Bell. Ah non, il est mort. On a Sim. Ah ben, merde, il est mort aussi. Non, déjà, on a Tocheux. Anisha. Lui, il est bien vivant. On passe de Sim à Tocheux. C'est pas grave, pas de comparaison. Je prends tout. Les cheveux, les cheveux. T'as oublié Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde. Parce que Yorba. Merde. Mais Monsieur Morandini. Voilà. Oui. Cet épisode s'annonce très bien. On a Tocheux, et après on a les régionaux de l'étape, hein, nous les appelons dans le jargon, nous avons là-bas un mec qui a un nom de clavier. Bepo, c'est moi. Bepo, c'est ça. Bepo. Et pas confondre avec mon double qui fait du one man show au dédo. Ah oui. Et est-ce qu'il fait la bête à dédo? Ça, je sais pas. Peut-être plus que nous. Ouais. C'est pas à 3, ouais. Ouais. C'est drôle. Même si Metang a plusieurs sacs, il ne peut le faire que pleurer plus. Et donc Astor, voilà, donc. Voilà, toujours là. Toujours là. Toujours en bout dedans. Mafia 82. Voilà. Pas plus. Pas plus. Pas plus que la 12, 82. Non, 82. Non, on finira pas trop. Mafia 12. Non, non, on finira pas trop. On finira pas trop. Oui. Ah bon, les 12. Et donc, deux invités. Enfin, un qui ouais, non, est en voie de. Qui est en voie de. Ça y est. À cette session, il est en, ça y est, en voie de reconversion. Ça y est. C'est notre Philippe Bouvard à nous. Oh. Non, mais. Il est quand même plus grand que Philippe Bouvard, alors que David, non. Et hop. Bon, au début de ton intro, il a quand même mis ta gueule, David. Ah. Oh, c'était mérité, donc il a aussi gueulé. Donc c'est péremptoire. Ou oui, Sophie. Bonjour. C'est bonjour, salut, au revoir. Allez, c'est bon, on déguste là. On déguste, j'avais marre, bordel de merde. Et nous avons comme invité cette fois, nous avons Ben. Voilà. Donc Rural Normal. C'est ça. Voilà, qui est parmi nous pour vous faire de l'entertainment. Exactement, une espèce de sniper bienveillant. Dont le casque est à moitié mis sur sa joue, sur son œil. Les vrais diront l'alcool, les autres diront. Ouais. C'est la vie, quoi. C'est ça. À côté de ça, sur quoi on peut entendre nos conneries? Alors on peut les entendre sur tous les réseaux socialos, hein, surtout socialistes, ou nationaux socialistes, mais évidemment. Le manifportus.com. Voilà, manifportus.com. Vive la viande aussi, tout ça. Donc c'est et voilà, donc on peut nous écouter aussi sur Pod Radio. Donc on est sur nos dernières nouvelles étaient sur deux canaux. Il me semble. Quand voilà. je vérifie. Check tes canaux. Check tes canaux s'il te plaît. Je sais que Ben était derrière nous. Ouais. Et je suis toujours derrière vous, même voilà. Dans en vous. Ah là, non. Je suis là. Je crois que les sociétaires ne sont pas. Non. D'accord. Pas moi. Et voilà. Mais on peut nous réécouter par ces canaux-là, si l'envie vous en prend, bien évidemment. Vous pourrez aussi retrouver une partie de l'équipe. Alors je dis une partie parce que je m'inclus pour l'instant encore un peu en. Ah. En faux. Hein, voilà. Ah. En vrai, en faux, on ne sait pas pour l'instant. Le temps le dira. Vous pourrez nous retrouver donc à Podren 2019, voilà. Mm-hmm. Donc événement podcast démentiel. Exactement. On le sait, voilà. Alors point Pod Radio, canal bêta le mercredi à 20h. Mm-hmm. Canal gamma le samedi à 20h30. C'est-à-dire qu'on pourrait quand même cet après-midi, c'est-à-dire qu'on est capable de se faire nous-mêmes concurrence parce que. Ouais. C'est pas les. Sur Canal Delta le mercredi à 19h45. Ah. 19h45, c'est bien. Ouais. C'est l'heure de l'apéro. Ouais, c'est ça. T'es là, tranquille à la rigueur en train de préparer un petit poulet. Kikil. Oh, un petit poulet. Au KFC, un petit poulet. Non, c'est bien. Non, voilà, donc on peut nous écouter. Et donc vous retrouvez une partie de l'équipe donc à Podren, voilà. Ouais, 20-21 avril, week-end de Pâques, c'est gratuit, inscrivez-vous sur podren.fr. Le programme il sera. Faites des dons. Bientôt. Faites des dons. Alors, si vous faites de la vidéo, on vous tendra la libération. Voilà. J'ai pas dit la libération. Enchaîne comme coup de chaîne. Mais j'ai pas dit la libération de qui, hein. Signez la pétition pour Abdel Chemoul. Prisonnier des geôles fascistes. Qui reçoit ni la 1, ni la 2, ni la 5. Et pour ceux qui sont un petit peu comme nous, un peu biérophiles, non, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Zito. Non, c'est non, pour la collection de la bière ou des trucs goodies de bière, hein. Les capsules et les. Ouais, moi c'était plutôt la bière en général, hein. C'était plus ce qu'il y avait dedans que ce qu'il y avait. Je sais plus ce que c'est tatophilo, un truc du genre. Poivrophile quoi. En tout cas, on n'est pas titanium, mon fils. Donc, pour ceux qui sont, voilà, qui aimeraient s'intéresser, alors, pas faire de la bière pour forcément faire de la bière, tu vois. Mais aussi pour apprendre ce que c'est que faire de la bière, surtout. Je pense que c'est plutôt ça le nerf de la guerre. Vous pouvez aller sur le site Beemaker. Et si vous rentrez le code apéro original, A-P-E, accent aigu, R-O. R-O-R-O-R-I-G-I. N-A-L-E. J'ai pas envie de lancer. Pas la boule noire. Je l'ai mieux fait quand même. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, mais moi j'ai voulu faire une blague, toi au milieu, j'ai voulu mettre le Oxang et je me suis con. Et voilà, donc, et vous pourrez probablement découvrir une nouvelle gamme dont nous avons teasé. Sera-t-elle sortie? Bah oui, parce que c'est en septembre. Donc là, c'est bon, normalement, c'est bon là. Moi je l'ai acheté le kit. Alors 24 balles. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je l'ai acheté. Est-ce que t'as trouvé ça mieux que l'iPhone X? En fait, en tout cas, j'ai trouvé ça mieux que la bière qu'on achète dans les magasins. Ah, surtout que celle que tu avais bu. Ouais, mais ouais. J'en ai fait que deux. Parce qu'après, il faut racheter la recharge. Bon, bah voilà quoi. Je le ferai quoi. J'en ai fait deux, c'était bon. On les a bu avec des amis. Alors que tu les aurais bu avec des pas amis. Ouais, ouais. Non, mais j'aurais pu boire tout seul. Ouais. Dans mon lit. Sous le lit, quoi. Un dimanche matin pluvieux de novembre. tu peux. Chacun fait comme il veut avec la bière. Non, voilà, c'était à peu près tout. Donc, pour voilà, si vous voulez aller sur Beemaker, voilà, ça vous fera 15%. Donc, c'est quoi? Ça fait économie de transport à peu près, grosso modo. Et on est au mois de novembre, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Pour Halloween. Pour un gamin à la rentrée. Pour Pâques. Pour Pâques. Très bonne idée. Un cadeau de naissance, c'est bien ça. Ouais. Bien évidemment, toujours. Et donc, bien évidemment, alors dans cet épisode qui s'annonce cette fois-ci massif, parce que nous avons aussi un petit quiz de Sophie. Yes. Voilà. Moi. Nous aurons un dossier de Asto qui s'appelle Kaori. Oui. Voilà. Nous aurons bien évidemment cette vaste fumisterie. Une belle enculerie, diront certains. Donc, c'est les questions aux invités. Oui. Voilà. Je crois qu'on pourra dire le spoiler. Voilà. Vous avez vu comme je tisse des liens entre chaque épisode, tu vois. Moi, c'est la continuité, tu vois. Oui. C'est le filler, ça. Et nous finirons par un quiz d'Azertov qui s'appelle Tu joues à blanc manger coco quand tout à coup c'est limite Cards Against Humanity. Comme d'habitude, il a pris 2-3 trucs qui traînaient dans sa chambre. Alors il a pris un blanc manger coco quand tout à coup. Et le limite, parce que Cards Against Humanity, c'est le nom anglais du limite. Franchement, t'aurais pu mettre l'effort de mettre ça dans une poche et de nous les sortir. Ouais. Franchement, c'est dégueulasse. Ouais. Et bien évidemment, avant tout ça, nous allons commencer par c'est bien. Kiki. C'est bien. Jingle. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous fuyez, les gars. Alors plutôt qu'aller aux filles, on va déjà couper le blanc. Ouais. On va aller couper le blanc. Oula, c'est pas bon. Ça c'est circoncire le tout bas quoi. Donc plutôt qu'aller directement aux filles, on va aller directement à l'essentiel. Nous allons ouvrir des bières. Et je sais qu'il y en a un qui est un petit peu affamé ici. Non mais il est où le décap? Ah non, j'ai commencé la dernière fois. Mais là, c'est pas grave, vous avez soif, monsieur, vous attaquez. Non, je le donne à Pépé. Donc le décapsuleur du limonadier du destin. Essayez Fabien. J'ai fini de manger mon saucisse. C'est bon. Je continue dans ma thématique IPA. J'ai trouvé une Queen of Langstroth IPA 6,5%. Alors c'est une brasserie, la brasserie Bendorf. C'est une brasserie strasbourgeoise, donc bonjour à eux. Voilà, nos amis de Strasbourg, hein, bien sûr. S'ils nous écoutent. Voilà, que dire, interdit aux femmes enceintes, bien sûr. C'est à recycler, c'est très important de recycler, même si je le fais pas toujours, désolé. Je suis un mauvais recycleur. Voilà, que dire d'autre? Je ne sais pas, il n'y a pas grand chose à dire sur cette bouteille. Je suis un peu circonspect, on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Comment on l'ouvre? Ah oui, c'est là. Et je passe le décap à ce cher Azertov. D'accord. Vu que tu étais en train de faire quelque chose, j'ai décidé de te déranger. Et bah, moi j'avais goûté pour une fois, c'est une première pour en 13 épisodes de l'apéro original. Je vais ouvrir une bière en canette. Une pro. 13, c'est sûr. La 8-6. Ah oui, la 8-6. C'est vrai, exactement. Le top budget. Oui, et puis la Kingsbro. La Kingsbro, c'était 3 canettes. mais est-ce que c'était la bière? Si. C'est vrai. Ouais, mais là c'est de la vraie bière. C'est pour ça. C'est de la vraie bière. Tu notes Samuel Laurent à nous, bravo. Ne pas confondre un fact-checker avec un check-fucker. Il y a un check-fucker aussi. Un check-factor surtout. Donc là c'est une Castaway Yellow Belly. Donc c'est une passion de fruit sour. Ça veut dire que t'as la passion des fruits quoi. C'est ça. Elle est à Panque 1 Kéar et à 1 Pente. Hein, quoi ? Mm-hmm. Ah, c'est ce qui est marqué là. Hein, mais ça ne veut rien dire. Oui, mais quel anglais ? Par contre, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter. Cool. Faut être 18+, la voiture ne peut pas avoir de verre à côté d'elle. Et les femmes enceintes, Sigourney Weaver n'a toujours pas droit à boire ça. C'est brasserie quoi ? C'est marqué où ça, la brasserie dessus ? Ouais. Aucune idée. Elle est à 4,2. Sur l'échelle de Richter ? Sur l'échelle de Richter aussi, ouais. Mais je pense que la brasserie, ça va être Yellow Belly. Oui, ouais, c'est ça. Ça, ouais. Et ça vient de d'Irlande. Moi, je reverrai la tête. Ah non, faut la percer avec un couteau et puis... Ouais, ouais, mais t'es pas métal. Ouh là là, la petite canette. Moi, ta canette, touche ta belette. N'importe quoi. Mon bois comme des hauts. Il y a mon école dans le caniveau. Ouais, c'est la fête. Et... Oh là là, attention. Il tente le coup quand même, il tente le coup, c'est bien. C'est bon. C'est vraiment un patron. Ça passe easy. Un beau faux col. C'est vraiment un patron. Un 50-50. Demi faux col, demi sans col. Et je donne du coup le décapsuleur. Qui l'a Il est derrière. Bah allez, à Ben. Ouais. Allez. Monsieur Ben. Merci. Je ne vais pas applaudir que ce choix. Donc je me saisis du limonadier de la parole. Est-ce que tu as un nouveau chapitre ? Ouais. Bah justement, je pense que ça tombe bien, c'est une bière de moine. Quand ça donc, c'est une bière de moine. Ah oui. De Belge. Ah oui. Ouais. Hein, c'est ça. Ça chamboule à chaud de Namur. Donc c'est une Corsen donc, c'est pas la première fois qu'on en boit dans son émission. Ne t'inquiète pas qu'avec G81, ça a été vu, revu et revu. J'avais déjà... d'ailleurs, au début, je pensais que Corsen donc, ça se disait Corsen donc, comme tu disais. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres gens qui prononçaient ça. Qui prononçaient mieux. Ouais, qui parlaient mieux français. Elle fait 6,5... Je sais pas lire ça. 6,5 degrés. Elle est déconseillée aux femmes enceintes. Mais c'est pas un... Si, c'est un permis. Et puis, on peut la recycler. Oh, c'est bien, ça, déjà. Pas d'indication sur les bagnoles. Et on doit la servir entre 4 et 6 degrés Celsius. C'est ne pas confondre avec les degrés d'alcool. Gold. Mm-hmm. Hein, c'est pas triple. C'est pas les mêmes. Je sais pas. La pater, non, c'est une pater du bel. Attends. Ouais, c'est une pater du bel. Les pater triples, les pater triples sont plus... Non, c'est normal, moi, que j'ai, non. Non, c'est du bel, c'est marqué. Et du bel, ça veut dire quoi? Double. Double. Ah. C'est comme une opéné, mais... Mais en degrés. Ouais. Et ben voilà. C'est comme une peine. Allez, vas-y péter la capsule. Ouais. Je veux bien la tienne pour tenter le. C'est comme une peine mais rigatée. Tiens, Queen. Et du coup. Queen of Longstruth. Non. Oui. Je te transmets le virtuel. Voilà, c'est ça. Et t'encourage à ouvrir ta bière avec ton décapsuleur. Bah d'abord, qu'est-ce qu'on va ouvrir comme bière? Alors, bah ça tombe bien, toi t'étais sur une pater du bel de chez Corsen Donk. Moi je suis sur une rousse de chez Corsen Donk. Elles sont très sympas. Alors pourquoi je l'ai prise? Parce que je l'avais découverte il y a 5-6 mois, mais en pression. Une sortie de boulot, un collègue, on est parti dans une petite cave à côté du taf. Et... Sortie de boulot en pression. Ouais, non mais là justement, pas du tout en pression la sortie du boulot, très bien. C'est que et il nous présentait ça en pression, donc direct sortie du col de cygne. Et je l'ai trouvé juste parfaite, dans mon goût, à l'instant précis où j'avais besoin d'une petite bière, et ça marchait très très bien. Donc on a bu une ou deux, plutôt deux que une d'ailleurs. Et je suis tombé dessus. Moi j'en trouve pas régulièrement en bouteillé. Ah ouais? Ouais, donc du coup, même au VNB de Mérignac, je n'en trouve pas forcément, ou alors je passe à côté sans vraiment l'avoir. À Castres, ils sont bien pourvus. Ouais. Pas qu'en bière. Et donc celle-là, ben voilà, je me suis dit, tiens, je vais la goûter en bouteille pour voir ce que ça donne. Donc elle est à 8%, donc toujours interdite, enfin 8%, non, 8 degrés, 8% d'alcool, le volume. Toujours interdit aux femmes enceintes. Faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo parce que je vois absolument pas le petit pictogramme qui dit qu'a priori ça fait partie du programme de recyclage. Ouais, c'est pas une espèce de triangle. Et voilà, donc en 33 centilitres, tout simple, et on va voir ce que ça raconte. Voilà, et pendant que je vais l'ouvrir et que je vais décapsuler ça, je vais donner le limonadier de la parole à monsieur Afton. Bon, ben pour continuer dans les brasseries qu'on connaît pas trop, hein. Et dans ma thématique de brasserie qu'on connaît pas trop aussi. Du tout. J'ai trouvé une petite brasserie pas très très connue qui s'appelle Brewdog. Je pense. Connais pas. Je pense que ça pourrait plaire à Loli. Ouais. Faudrait lui en parler. Ouais, faudrait qu'il goûte un jour. Et donc j'ai pris la 5 AM Scent. Donc 5 malt, 5% d'ABV et 5 houblons. Bon, ok, en fait il y en a 6, mais bon, on s'en fout. What the fuck, the fuck the hell? C'est ce qui est marqué sur la bouteille. Et donc c'est une American Red Ale de chez Brewdog. J'ai envie de prendre ça. Une Red Ale. C'est qui les meilleurs pour faire les bières, les Belges ou les Anglais? Ça dépend de ton type de bière. C'est vrai, ouais. Ouais, j'étais sûr. Ah ben oui. Bah, pourquoi pas les. Pourquoi tu t'as oublié les Allemands? Les plus forts, ouais, les plus forts inévitablement, c'est les verts. Ça dépend du type de bière que tu as. Voilà. C'est tout. C'est, ça va pas plus loin. Hein. C'est. Il y a pas de meilleur. Il y a que celle qui correspond à ton goût. C'est comme le podcast. Oups. De quoi? Et non, on finit. Heineken. Heineken, Carlsberg. Ouais. Alors, moi cette fois, c'est 1789, c'est marqué dessus. Un truc qui tabasse encore? Un truc qui tabasse. C'est une Bornem, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une triple, et ça vient de... alors c'est une bière d'abbaye, hein, je ne fais que lire. Et j'ai un petit sigle aussi pour dire que c'est une bière d'abbaye, vous voyez, c'est tout joli, un petit... Ouais. Ouais, t'as un petit vitrail en fait. Un petit vitrail, voilà, ouais. Ça vous a rappelé les choses, monsieur, à vous. Vous rappelez les choses à vous. Et donc elle est pas hyper c'est la même brasserie que la Gulden Drake d'ailleurs hein. C'est Van Steenberg là, et donc quand t'as un polichinelle eh ben c'est rapose quoi, ouais, sauf si tu veux que ton polichinelle devienne un peu, mais bon, après tu fais ce que tu veux hein. Bon, mais non, tu fais pas ce que tu veux. et pourquoi hein, mais t'as pas le droit de maltraiter un enfant quoi. Et pourquoi pas. Interdit. Et après, donc elle est éco, là, donc ils font des trucs comme dans Naruto, et il se passe des trucs. Ils courent avec des bras comme ça. Oui. C'est ça. Ils courent en sandalette avec les bras en arrière. Sur des arbres. C'est ça. Et donc elle fait quand même tout de même 9 degrés. Putain. On va le ramasser à la petite cuillère tout à l'heure. Ouais. Et donc cette fois, c'est parti. C'est parti, je mets tout. J'ai vu arriver l'accident. Mais... Ouais, la bière a connu. Elle a conscience de ses propres limites. Elle est vite pour une bière aussi forte. Traître. Ouais. Ouais, c'est très couleur très traître déjà. Et clair. On a un joli un tiers de bière, deux tiers de mousse. Et bientôt mort. Bientôt mort. Non, c'est pas là. C'est sous-marrant, tout le monde. Donc voilà, c'est le. Voilà, c'était. Mais c'était donc le dernier à me servir ma bière, donc maintenant nous pouvons passer au trinquage. Ah, enfin. Allez, on va trinquer. Et on a aussi une grande bouteille de Bourveux de la brasserie du pot. Tiens, mon kiki. Mon kiki. J'ai pas ton kiki, hein. On a pas sauvé. Je le mien déjà. Gangan. Gangan. Gangbang. Azizi. Ching. Az. Allez, la santé. Ça sent toujours la passion, celle-ci. Hein. Ouais. Et bah, tu vois, cette Corsen donc en vrai là. Je préfère la IPA d'avant, perso. Tu lui rajoutes juste ce qui fait la différence à la pression. Mais c'est exactement la même. C'est vraiment d'une constance. Est-ce que c'est phénoménal. Mais fais. Est-ce que tu veux goûter celle-là en même temps? Non, celle-là, je la connais, la Pater Duval. Mais elle est bien. Hein. Mais c'est, tu vois, la Corsen donc rousse là. Je préfère la rousse à la Duval, donc. Ouais, ouais. Personnellement, oui. Mais en pression, c'est vraiment quand même. Mais j'ai pris la Gold, reste dans le classique. On a eu la Gold en pression, elle était chouette. Il y a déjà quelques temps. Non, voilà, c'était. On est là, on trinque un peu, on est bien. Faut voir ta bière à chill. On est chill, on est chill. Voilà. On va chiller. On commence par la sentir, parce que au nez, t'as l'impression qu'elle va te fracasser. Et en fait, en bouche, elle est super. Non, mais j'aime bien parce qu'il y a un. Elle est très. Elle sent la fleur, quoi. Ça m'étonne pas. Elle est très forte en odeur et en goût, elle est très douce. Ah ouais, j'aurais dû prendre ça, j'en étais sûr. Ou t'es sûr. Bon, on retournera au VNB, mais vraiment parce que. On n'arrête plus la prochaine fois. Quoi? Parce que vraiment, le VNB, on est mal reçu et pouf. Ouais. Donc voilà, c'était notre trinquage habituel. Voilà. Maintenant que nous avons goûté nos bières, donc tout à l'heure nous ouvrirons, donc comme a dit notre ami Pépé, un bon vœu, donc, et c'est de la brasserie Dupont. Voilà, et c'est de Balch, et pareil, Sigourney Weaver, Niet. Et Balch, qu'en 2023 quand même. Oh. Sigourney Weaver ? Ah, ça je sais pas. Ah, ça je sais pas. Elle est périmée. Elle est périmée. Ouais, elle a l'air bonne cette bière, l'étiquette est bonne. Ça fait peur. Sigourney Weaver peut être bonne encore, hein. Moi je l'ai vu, c'était quoi le truc là qu'ils ont sorti Alien. Non, la suite de. Sur Netflix, la suite de. D'Iron Fist avec. The Defender. The Defenders, tu la vois dedans, ouais. Franchement, tu sens qu'il y a la culotte de maintien, tu sens qu'il y a les gaines pour pas que ça pète de partout, quoi. Franchement, j'aimerais pas l'avoir en saut du lit. Mais, Et à la sodomie ? Non. Ouais. Mais qui se tait ? Je l'ai dit gentiment. Ne dis pas ça, ça va donner des envies à David. Pas de sodomie, évidemment. Ouais. Donc c'est on va enchaîner. Eh ben d'ailleurs, ouais. C'est Pépé qui parlait, ouais. Ben c'est Pépé qui enchaîne d'ailleurs. Alors, j'ai pas de jingle ? Bah non. Donc pas encore. Donc j'ai des comme ça, genre nature peinture. Soit où je mets un jingle vas-y, vas-y, n'importe quoi, vas-y. Je mets n'importe quoi ? Ouais, ouais. Ne mets pas tes testicules dans. Ok, voilà. Bon, faut enchaîner dans la chronique de Pépé. Ouais, en plus, bah, fais chier, c'est moi qui parle, je vais pas pouvoir picoler. Mais... bonjour à tous, bonjour les auditeurs. Bonjour, ça bon appétit si vous nous rejoignez, parce qu'aujourd'hui, ça va être. On va parler de bouffe. Ah, chronique culinaire. Un quiz culinaire, même, pour être tout précis. Alors. Donc mon premier quiz en tant que sociétaire, hein, donc on va parler un peu de... Bravo. Parce qu'on a fait l'apéro juste avant, on a ouvert nos bières, mais après, bah, il faut quand même aller manger. Se sustenter. Et on aime ça, globalement on aime tous ça. Dans Dragon Ball, on peut sucer Dandé par contre. Oh, et c'est parti. On aime manger, globalement, tout le monde aime ça. Ça nous maintient en vie même. Ouais, mais ça dépend. Hein, c'est un mal nécessaire. Le minimum pour. Pour l'instant, on se plaint pas. Ça existe les. Et de toute façon, pendant les week-ends. Ouais, c'est ceux qui mangent du soyante. C'est ceux qui mangent du soyante. Bon camembert. Et c'est ceux qui en meurent aussi, généralement. Pendant les week-ends, à peu original, on fait quasiment que ça, de toute façon, brûlé. Oui. Et encore, hier soir, c'était au feu, là. Hier soir, on était tellement dans le truc, en fait, qu'on s'est coulé carrément la commande de bouffe. Quand tu manges pas, tu es faible en fin de soirée. Et après, tu meurs. Bon. Et après, on parle de moi. Désolé de dire des banalités comme ça. Alors avant de lancer le quiz, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table histoire de s'échauffer. Comme ça, je peux gagner genre 5-10 minutes de chronique. j'aimerais qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître au niveau de la nourriture et que chacun dise son plat préféré. Voilà. Et aussi le plat qu'il maîtrise. En fait, son plat un petit peu honteux, parce qu'on aime bien toujours faire des trucs un petit peu. On a un petit peu honte de les faire devant tout le monde, mais c'est des. Petit peu des plaisirs coupables, vous allez comprendre, et chacun va devoir dire sa petite recette à lui. Par exemple, mon plat préféré, c'est par exemple un bon hachis parmentier, j'adore ça, ou une raclette, voilà, soyons fous. Et le plat que je maîtrise le mieux, non, mon plat un petit peu coupable, c'est la pizza pépé, bien sûr. Tout le monde connaît la pizza pépé, qu'est-ce que c'est ? C'est vous achetez une pizza en grande surface type Sodebo, voilà, le nom de la marque est. Docteur Hawker, une pizza chorizo, bien sûr. Sodebo et un petit peu de fromage râpé à gratin. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous enlevez le film plastique. Ouais. Voilà, c'est très, très important. Hein. Vous n'allez pas mettre le film plastique dans le four. T'es obligé. Bah ouais, parce que moi j'ai mes limites. et bien sûr, petite subtilité, vous enlevez les tranches de chorizo avant. Vous mettez votre fromage à gratin là-dessus et vous remettez les tranches de chorizo dessus. Malin. Oui, petite. En fait, tout est dans le geste. Si le chorizo reste en dessous le fromage à gratin dans le four, eh ben il va rester tout mou le chorizo. Comme bref, tu vois. Et donc, c'était très intéressant. Vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire un petit tour de table. Alors, toi, Toshu, ton plat préféré et ton plat un petit peu, tu sais que c'est pas très. Pas très cool, un petit peu une trahison culinaire, mais tout fait quand même. Mon plat préféré, j'en ai tellement... Parce que je veux terminer avec Kazertos. Ouais, j'aime tellement bouffer mon plat préféré. Ouais. Allez, si vraiment il fallait que j'en retienne qu'un, ce serait les tripes. Bonne plat de tripes, juste comme ça, avec une patate bouillie à côté. Berk. Burkina Faso. Voilà, préparé avec amour. par contre, c'est le seul plat que je sais manger, que je sais déguster, que j'adore et que je ne cuisine pas. C'est toujours ma compagne qui les fait. Voilà, après le plat un petit peu moins... La trahison culinaire, tu vois. La trahison culinaire. Qu'est-ce que je pourrais raconter comme... La mousse au chocolat du patron. Non, mais ça pourrait être des frites à la sauce tomate. Ah ouais, oui, c'est une habitude que j'ai gardée de mon frère quand il était à l'armée. Des frites bolognaises, quoi. C'est-à-dire qu'on prend des frites, on prend de la sauce tomate bolognaise, par contre, c'est très important, c'est pas n'importe quelle sauce tomate. Et les frites qui sortent du pot à frites, voilà, on les met dans l'assiette et on les arrose de sauce tomate. Voilà. C'est un truc que j'ai gardé de mon frère quand il revenait de l'armée, quand il a découvert ça. Voilà. Vous voyez, on apprend à se connaître. Hein. Ouais, toi, Ben, ton plat préféré est ta trahison culinaire. Mon plat préféré, c'est... le truc que je fais bien, je suis pas mauvais en roulage de maquis. Ouais. Okay. Donc vraiment là, je suis capable de préparer des maquis pour des mariages et tout. Pour combien de personnes? Ben j'ai fait un truc pour, on était 4. J'ai coaché les cuisiniers, mais on était 200 au mariage. Ah oui, vous n'étiez pas 4. Alors j'ai fait des recettes en plus, du coup des maquis avec du hareng par exemple. Ça passe en fait, c'est pas mal. Et le truc qui me... mon plat, j'ai customisé les croque-monsieur. On a une machine à croque-monsieur, j'ai dedans tu mets du pain de mie évidemment, blanc, machin, du beurre des deux côtés du pain, et tu peux mettre des tranches de bacon dedans en plus, de la salade, des rondelles de cornichons. Ah. Et ça fait des espèces de croque-McDo custom quoi. Ok. Custom bonhomme. Ça c'est pas mal, ça, sans déconner c'est pas mal. Moi ce que j'aime bien sur les croque-monsieur, parlons-en, hein, c'est un petit mélange crème fraîche fromage râpé que tu mets dessus. Bien sûr. Au four. Alors nous on a la version béchamel champignon. Béchamel. Ah oui, ça c'est bon. Ah, alors ça, mon gars. J'avoue, il y a plus. Et quand tu remets l'œuf dessus aussi c'est bien, hein, c'est le croque-madame là. C'est pas compliqué mais alors pouf, paf, ça pose quoi. Alors la prochaine fois on ira faire un resto gourmet. C'est ça. Il y a du gras sur du gras dans un tacos comme ça. C'est un tacos gras. C'est vrai que tu peux prendre un supplément gratiné gras. Et en plus sur ton gratiné, tu peux encore rajouter des trucs. Tu peux encore rajouter du bacon, du chorizo gras en plus encore par dessus. C'est bien ça. On y aller là, non? On y allait deux fois. Deux fois, on n'a jamais fini. Aucun de nous. Impossible. À deux doigts du dessert, parfois. Toi, mon gangan. Alors, moi. Mon gangan. Alors, le pire, c'est que. Mon plat préféré. Le pire, c'est qu'avec le geste que vous faites, on s'en rapproche en plus parce que. En fait, mais c'est vraiment mon plat favori. Le pire, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté dans ce que je vais dire. C'est tout ce qui est poivron farci, tomate farci. Tomate farcie aussi. Ouais. Franchement, une femme, si elle veut m'aimer d'amour, elle me fait des tomates farcies, c'est gagné. C'est mon plein d'amour. C'est-à-dire que c'est tellement d'amour que je n'ose même pas me le faire moi-même. J'ai tellement une image de ma mère qui me le faisait, ma grand-mère qui me le faisait, que j'ose même plus m'en refaire. Tu vois, c'est bien très freudien. C'est très freudien. Et ta trahison, genre trahison culinaire, ce que tu fais quand t'as la flemme. Quand j'ai la flemme, c'est vrai que alors il m'a fait penser à un plat de plus, mais un que j'aime bien faire. C'est les. Alors, ça, c'est vraiment le plat. Hein. C'est pas quand j'ai la flemme, c'est vraiment j'y ai un peu. Faut que j'aille à grand frais quand même. Il faut que j'aille acheter des épinards frais. Je les balance dans la poêle. Bon, j'y nettoie un peu. Je les balance dans la poêle avec du beurre salé. Trop beau. Tu mets un peu de piment d'Espelette, c'est trop beau. Ça, c'est pas. Et après, il y a le. C'est pas la honte, hein. Voilà. Et après, il y a le plat. Alors, il est pas honteux celui-là, mais il est bien aussi. Moi, j'aime bien faire les croque-monsieur dans la poêle. Bon. Ah, c'est pas mal aussi. C'est un peu plus long. N'en fais pas 150 d'un coup, mais. Ça te change. Ils sont... Moi j'aime bien. Avec du pain complet. Là, pain, bon... Tu veux du pain complet? Du pain complet. Du complet, c'est pas mauvais. Ouais. Toi, Sto? Alors, mon plat préféré, c'est. La raclette sans fromage. Tu ne connais pas tous les délices du fromage. Non, mais c'est bon. Il vient manger à la maison. Je suis là, ah, c'est bon, ce soir c'est raclette. Ouais, ok, 10 minutes avant de faire la raclette, mais au fait, j'aime pas vraiment le fromage. Mais c'est bon, c'est pas grave. J'ai été averti qu'il y avait raquette, on était sur le périph' de Bordeaux déjà, avec Azertov, donc... non, mon plat préféré, je pense que c'est quand même la pizza poivron de chorizo. Ah, c'est vrai que c'est bon ça. C'est moi j'aime bien aussi. Ouais. C'est-à-dire que s'il fallait retenir qu'un seul plat pour toi, ce serait ça? Je sais pas, ouais, je peux en bouffer... Ah, mais il y a tellement d'autres trucs que j'aime aussi. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est dur de choisir en fait. C'est super dur. Hein. Une bonne choucroute, une bonne joue bœuf. Bonne daube. On en parle à la choucroute. Une bonne daube. Ah, moi, la choucroute, j'aime pas ça. Même bonne. Non, ça pourrait être aussi le canard rôti du dimanche chez mes parents, quoi, avec des petites patates. Non, ouais, des navets, des mini navets braisés. Ça déchire avec un peu de vinaigre, ouais, sucré un peu. Ouais. Là, putain, c'est une tuerie. Ta trahison, c'est quoi, toi? Et en fait, je cuisine pas. Bravo! Je pourrais pas trop te dire. Une pizza, mais congelée. Non, parce que les pizzas, je les fais. Ah, bien, ouais, c'est le seul truc que je fais en fait, les pizzas et les nouilles. C'est déjà mieux que rien. J'ai bien les ramen. Non. Ah non, on va parler de ramen. Non, en trahison, ce que je pourrais. C'est une anecdote, mais cette anecdote, c'était il y a quelques années. Quand j'étais à la plage avec des potes, chez une pote qui avait une maison, c'est pas grave, une maison là-bas. Et je crois que le mec qui tenait le stand de glace a été la pire horreur qu'il ait jamais vue de sa vie. C'est que je lui ai demandé du puits de fruits rouges sur une glace pain de chocolat. Ah ouais, quand même. Ah, tu m'aurais dit un coulis chocolat ou un coulis... Non, mais en fait, c'était une glace de boule, donc j'ai pris vanille et vin de chocolat. Donc pour moi, je voulais mettre du fruit rouge pour aller avec la vanille. Ah oui, oui. Et donc en fait, lui, il m'a dit, je vous mets un coulis chocolat. Je fais, bah non, fruit rouge. Il a fait... Vision d'horreur, je crois. Ouais, c'était super bon. Bon, bah écoute. Et toi, Zartov, ton plat préféré? Alors, plat préféré... Un bon camembert. Tiens. J'en ai pas en fait. Enfin, je mange quasiment tout, c'est rare que, à part si c'est des endives ou des épinards, mais c'est bon, les endives roulées. Même des bonnes, c'est pas bon. Avec de la béchamel. Moi, j'ai fait avec du beurre autour. Du bacon, du bacon. Une chose que je mange pas, donc un truc vraiment préféré. C'est le rondelet. Je vais dire gâteau yaourt, parce que c'est ce que je fais le plus simplement. Ah, ça c'est peut-être t'apprécies ça. Après, le truc que je détruis... On en parle souvent sur Mumble. Elle est longue parce que je fais souvent des mélanges un petit peu bizarres, genre du couscous avec des morceaux de nem, je me fais des ramen, donc des nouilles instantanées où je rajoute... Enfin, c'est pas vraiment du truc dégueulasse où je mets des knackis, donc en fait, je me fais un bol de ramen et... Il y a de l'eau dedans. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai des sachets de nouilles instantanées, c'est ça. Et je mets le bouillon dedans et je rajoute plein de trucs. C'est vrai qu'il y a moyen de bien délirer avec ça. Ah, oui, et j'ai fait des mélanges. Enfin, j'ai rajouté. Enfin, je me suis fait des ramen moi-même en fait, avec du maïs, du knacky, du jambon. Qu'est-ce que j'ai pu rajouter d'autres trucs dedans? Je sais plus. Parce que des fois, je mélange plein de trucs dedans et je mange ça comme ça, quoi. Pour changer un petit peu. Jean-Pierre Coff, si tu nous écoutes. Quand tu prends des ramen, c'est quasiment ça en fait. Ouais, mais, oui. Quand j'ai pris pour la première fois un boboon la semaine dernière. En fait, c'est ce que je me fais quasiment ici en prenant soit du couscous, enfin les graines de couscous, voilà, c'est ça. Tu te fais un bol et t'as tout dedans. Ouais, et quand tu vas en Asie sur les trottoirs, les gens qui font les boboons, les bobons. À manger, ils ont chacun leur recette, quoi. Donc en fait, ils sont tous différents. Il y a une base commune avec des nouilles, avec de l'eau chaude dedans. Ouais, et puis on rajoute des trucs en plus, quoi. Alors, il est bon ce saucisson, mais. Pourquoi je vous ai demandé un petit peu vos recettes à vous? C'est parce que ça va être ça le quiz en fait. Le quiz, alors je sais pas si vous savez, mais il y a une tendance sur les sites de recettes genre Marmiton. Vous avez la recette, et sous la recette, il y a des commentaires de gens qui donnent leur propre version. Mmh. Et souvent, ça n'a plus rien à voir avec l'original. Oui. D'accord. J'ai fait une blanquette de veau, mais j'enlevais la crème, j'enlevais le veau, j'ai remplacé par ça et c'était dégueulasse. Par exemple, tu as une recette de pâte bolognaise, donc en gros, sauce tomate et de la viande hachée. Et souvent, on retrouve des commentaires du genre « Mon mari n'aime pas la sauce tomate, donc j'ai mis de la crème fraîche. » Et j'avais pas de viande hachée, j'ai mis des lardons. Donc en gros, une carbone. Attends. C'est italien qui a traité Stéphane Gay, là. C'est du carbonara. Oui, je sais que crème fraîche, carbo et tout. Voilà. Ouais, on s'en fout. C'est mon côté vital, je suis vital. Je modifie les recettes. Et ça n'a plus rien à voir avec l'original. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des commentaires. Et vous allez retrouver la recette de base. Vous retrouverez la recette de base. Et c'est bon, il y a des trucs. Alors, allez. Donc, alors, ça va pas durer une heure, enfin, je pense pas, parce que C'était pas facile de trouver des commentaires comme ça. J'avais trouvé un Tumblr. Enfin, un topito qui pompait tout sur un Tumblr, comme d'habitude. Hein. donc, je vais avoir une dizaine de commentaires, mais ça va crescendo. Le premier, il a pas grand chose à voir. Mais c'est histoire de se mettre en jambe. Il y a quelqu'un qui demande: est-ce vraiment un très bon mélange des œufs, des lardons et de la crème fraîche? À quoi ça correspond? Bah, carbonara. C'est une carbo. Non, c'est pas de la carbonara. Mais... Ah, l'origine. C'est. Une pâte à crêpes. Non, tout simplement, bah là je vous le dis, c'était histoire de mettre en genre, il remet en cause la base de la quiche lorraine, justement, voilà, tout simplement. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui, c'est vrai ce que j'ai dit. Hein. Là, on va vraiment rentrer dans le sujet. Bon, allez. C'est un commentaire de Oumissa qui nous dit: très bon, facile à préparer, j'ai remplacé les courgettes par des petits pois. À votre avis? Oh, c'est pas forcément. Un gratin de courgettes? Non. Une ratatouille, hein. Non. Courgette par les petits pois. Une moussaka? Ouais. Non, c'est de l'aubergine. Non, c'est quelque chose qu'on fait avec du riz. Un risotto? Ouais, bah oui. Ah, oui, voilà. C'est un risotto de courgettes, mais bien sûr, ce n'est plus un risotto de courgettes. C'est un risotto de petits pois. C'est bien meilleur. Oui, bon. Tu vois, ça me serait bien. Si tu rajoutes du jaune d'œuf et un peu de viande, ouais, ça te fait un riz cantonais. Un risotto cantonais. C'est vrai en plus. Des crevettes, bien sûr. Ouais. Non, il n'y a pas de crevettes. C'est vrai? Oh, je sais pas. C'est pareil, le riz cantonais, ça dépend des restos. Mais oui. Quoi. Moi, ma pâte, il y a juste des champignons. Justement, j'ai une réflexion là-dessus. Ah. T'es pile dedans, mais je vais en parler tout à l'heure. Bon, voilà, donc là, on va aller crescendo, vous comprenez l'esprit. On a un commentaire de Flonauti qui nous dit: excellent, mais n'ayant pas de navet, j'ai mis à la place des courgettes et du vin blanc à la place du saké. Excellente recette. Oh, ça sent pas le sauté de veau ou le navet mariné, un truc comme ça? C'est la salade de chou, de navet mariné japonais? C'est un plat, alors c'est un plat japonais de base, mais qui n'a plus grand chose à voir vu qu'on enlève. Je connais pas, je suis pas culture japonaise. Tu fais mariner des japonais dans du vinaigre. C'est un pot-au-feu japonais. Alors je ne connaissais pas la recette. Ah, c'est le pot-au-feu japonais. Bon, qui n'a plus grand chose de japonais, hein, si on enlève le saké et tout, on met du vin blanc. Ils l'ont complètement débridé. Donc c'est un pot-au-feu, tout simplement. D'accord. Bon, là on va rentrer dans du lourd. Céline nous dit: très bonne recette, j'ai remplacé les bananes. Oui, c'est ça. C'est pas relevé. Hein. Ouais, mais voilà. Très bonne recette, j'ai remplacé les bananes par des courgettes et de l'ail. Mais je n'ai donc pas mis de sucre. Mais le banane split. Ah, ce fut un régal. Merci pour la recette. Donc, bien sûr, j'ai remplacé les bananes par des courgettes et de l'ail. C'est ça, c'est pas le banane split. Un gâteau à la banane. Non, la banane bread. Non, mais on se rapproche, c'est plus pâtissier en effet. Ah, une calzone banane Nutella. Oh non. Oula, un clafoutis. Non. Un clafoutox. Clafoutis banane, un milkshake, ça existe, ça? Un milkshake à l'ail et aux courgettes. Ça me fait penser d'ailleurs que. Un crumble? Ce n'est pas un crumble. Ça me fait pas, non, mais ça me fait vraiment penser à un truc, c'est un vrai plat. Le plat préféré d'Elvis Presley, c'était c'était une espèce de croque-monsieur banane beurre de cacahuète. Ça, c'est bon, hein, les croque-monsieur frits. Ouais, voilà. Wow, c'est la bombe calorique. À noter qu'il est mort au cabinet en disant. Donc, elle a remplacé la banane par les courgettes. Par des courgettes et de l'ail. Et elle a pas mis de sucre. Et elle a pas mis de sucre. Du coup, elle a pas mis de sucre. Pas mis de sucre. Un beignet de. Attends, donc c'est une banane sucrée en plat. Chinois là. Oh, c'est ah, les nems à la banane? C'est beaucoup plus plat qu'un beignet. Les nems à la banane? Non. Ah, bah les pancakes. C'est une recette de pancakes vegan à la banane. Wow, bon, ça reste vegan, hein. Ça reste vegan, mais voilà. C'est une bonne idée. Quand tu dis ça, tu crèves, faut que tu manges de la viande. Mais on note ce passage ambitieux du sucré vers le salé. Ouais, Bah, ça fait, ouais, des pancakes. Je me retourne et je vais vous faire notre expert en pancakes tofu. Ah, oui. Alors. Ça te tente pas, toi? Non, du tout. Oh, de l'ail, ça peut être bon. Le matin? Non, j'aime bien. Alors, j'aime bien le sucré salé. Mais sur un pancake, non, c'est. C'est soit je prends le pancake nature et là je vais l'agrémenter par exemple d'une tranche de bacon, un morceau de rosette, un œuf, quelque chose. Ouais. Soit je vais le mettre complètement sucré. Ouais, mais... Voilà, avec du sirop de canneberge ou des trucs comme ça, du sirop d'érable. Mais je serais incapable de faire un beignet aromatisé parce que j'aurais trop peur de dénaturer le. Oui, tu mets pas le pancake truc dans la pâte, quoi. Non, voilà, ça je pourrais. Alors que je crois que les courgettes c'est dans la pâte, non? Question comme justement, ça s'appelle pas des blinis si c'est pancake salé? Si, hein, les blinis, je sais pas si c'est la même recette. Après, c'est sauf subtil, mais. Que ce soit importé de Finlande, hein, c'est tout. Après, ça dépend du hachage de l'ail. Dans les blinis, c'est russe. Bah, une fois, ça arrive russe, ça nous arrive à nous à l'ail. C'est une recette de blinis. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je la partage avec vous? Vas-y. Pour une personne de blinis, tu prends un pot de yaourt bulgare, un œuf, la contenance du pot de yaourt, de farine et un demi-sachet de levure chimique. Et tu mélanges tout. Préparer la pâte 2 heures avant. Laissez reposer 30 minutes. Voilà. Et ça fait des bélinis, vous étonnerez vos amis. Avec une tranche de saumon fumé. Oui, mais j'en ai pas. Mes enfants se sont régalés. Avec une tranche de saumon fumé, c'est un régal. L'alternative au saumon fumé, c'est la truite. Ah oui, la truite, c'est très bon. La truite fumée. La truite fumée. La prune parle de moi. Moi, je suis passé directement du saumon à la truite et franchement. Ouais. Déjà la truite crie beaucoup moins donc ça j'aime moins les voisins. Une truite se faire égorger toi. Non mais sérieusement la truite fumée là c'est bon, j'avais goûté. Ouais. Le magasin où je me sers en fait une très bonne. Franchement c'est à essayer. J'ai un petit commentaire. Alors celui-là il est pas terrible en fait, il est assez classique. Je l'ai réalisé sans fruits, c'était bon mais assez gras. Et pourtant j'ai remplacé le beurre par du fromage blanc. Au final ça ressemble à du 4 quarts. C'est un gâteau aux cerises sans cerises. Parce que bah voilà, je prends la base et j'enlève. Ouais, j'ai fait un clafoutis sans cerises, c'était. Un clafoutis sans cerises, ça s'appelle un phare. Ouais, pour les Bretons. Alors oui, c'est ça. Ce commentaire, je vous préviens, ça va pas être évident parce que j'ai pas forcément trouvé vraiment la réponse. J'ai une idée, parce que je pense pas que ce soit la réponse. Je veux dire ce commentaire avec un index comme ça pour dire que comme si tu disais quelque chose d'extrêmement important. Attention. Tu veux l'appeler? J'ai remplacé la confiture par une tranche de jambon blanc. Ah ouais, quand même. Le gâteau roulé à la confiture, là, comment ça s'appelle? J'ai remplacé la confiture par une tranche de jambon blanc. Non mais en fait, pour être franc, j'ai pas la réponse sur celui-là. Bah c'est une tartine. Non mais en fait, j'ai trouvé, je pense que ça a vaguement à voir avec quelqu'un qui parle de son régime sans sucre et qui c'est peut-être affilié à une certaine recette où on mange pas de sucre le matin, on mange plutôt un truc genre du jambon blanc, bon. D'accord. Bon, ça c'était juste parce que la phrase en elle-même, est toujours très drôle. Bon, les petits gourmandos, continue. J'ai marqué gourmandos d'ailleurs. C'était une recette de Woulot qui nous dit « Très bonne recette, n'ayant pas tous les ingrédients, j'ai remplacé la farine par du riz pilé et je n'ai pas mis d'œuf. J'ai ajouté du sirop de grenadine pour remplacer la fleur d'oranger et le goût était au rendez-vous. » Pâte à crêpes. La pâte à crêpes, bien sûr. Alors là... La pâte à crêpes. Ah, ben le sacrilège de coller de la fleur d'oranger dedans, il y a que la pâte à crêpes. En gros, c'est quoi? C'est du farine, lait, œuf, fleur d'oranger. Non, farine, lait, œuf. Ouais, ça dépend. Non, farine, lait, œuf. Bière. On peut mettre un peu de bière, tout ce que tu veux. Non. Ça, je vais en revenir sur ça. Tête de mule. Tu peux mettre un peu d'huile, une petite pincée de sel, bref. Mais là, je répète, donc pas de farine, mais du riz pilé. Bon, bah déjà, c'est des crêpes, c'est des trucs pour les nems. Bah ouais. Pas d'œuf. Bah ouais. Et du sirop de grenadine, voilà. Ah oui, c'est des galettes de riz aromatisées à la grenadine. Ouais, c'est pourquoi se fait chier, hein? C'est pour la couleur. Ah. Qu'est-ce que ça me merde? C'est l'effet Tampax. Ouais. T'as longtemps. La cuisine, c'est la poésie. Le Tampax vite, par contre. Alors, le Tampax, c'est changé. Là, j'ai un petit commentaire, il y a rien à trouver, c'est juste que le commentaire est assez drôle. C'est un commentaire de Geneviève qui me dit « Oh, la tarte est encore meilleure quand elle est réalisée par l'auteur. L'idéal est donc de se faire inviter. » J'ai trouvé ça plein de forcément. Remercions Geneviève pour sa perspicacité. La palissade. Ouais. Alors, celui-là, il est bizarre. Nous, à La Réunion, on a une recette bien à nous. En effet, au lieu du chocolat, on met de la viande de bœuf qui vient d'Argentine et d'une noix de pécan. La recette, on incorpore le blanc ainsi que la farine et le beurre salé de Bretagne demi-sel. On fait cuire pendant 10 minutes et on rajoute du piment. Ce sont des cookies au bœuf. Voilà, il faut surtout retenir, au lieu du chocolat, on met de la viande de bœuf. C'est vrai. Et des noix de pécan. Parce qu'a priori, c'est un dessert. C'est un dessert de base, ouais. Le fondant en chocolat au bœuf. Merde. Du bœuf. Ah ouais. Donc c'est un fondant au bœuf dont on En fait c'est un pâté de viande. Je sais pas, c'est tu mets un fondant qui pue quand tu coupes. Dedans t'as des steaks. Un mec qui pète quoi. Et du piment. Bon. C'est sûrement. C'est peut-être. Au départ j'étais parti sur le rougail saucisse mais. Mais voilà sur la recette du fondant en chocolat je vois pas trop l'intérêt. Les mecs qui te font un beurre saucisse ils mettent quoi à la place de la saucisse que j'ai. Un carré de chocolat dans son bœuf bourguignon est une excellente idée. Ouais. Ça te fait du lien pour ta sauce et puis ça casse l'acidité. Ouais. Alors, il me reste 3 commentaires. Alors, il y a un commentaire d'ETBO qui nous dit « Je l'ai faite en passant les oignons car mon mari... » En ne mettant pas les oignons car mon mari ne les aime pas. J'ai ajouté pas mal de croûtons, de gruyère, nous nous sommes régalés. Ouais, c'est une soupe à l'oignon. Soupe, c'est effectivement ouais, ouais. une recette de soupe à l'oignon sans oignon. Ça s'appelle la soupe au pain, quoi. L'histoire dit pas si la femme elle se laisse bouffer l'oignon. Est-ce que avec des croutons. C'est que de l'eau chaude. Alors, j'imagine effectivement un bol d'eau chaude avec des croutons et du gruyère. Ouais, mais attends, tu fais cuire le pain dans le cube. Alors, et bien sûr, décomposer le cube de pain, ça fait une eau. Bien sûr, il faut la faire mijoter, sinon. Mais tu mets un cube, c'est bon. Mais c'est ça, parce que si elle enlève l'oignon, justement, le principe de la soupe à l'oignon, c'est que l'oignon donne le goût à la soupe. Donc, je sais pas. Là, si. C'est pas mal la soupe au pain. Alors que la soupe à l'ail. C'est différent, mais c'est pas mal. Ouais, bon, c'est vraiment très bon. Ça porte un nom, non, ça, c'est du côté très bon, mais c'est un truc de sais, putain, j'avais le nom parce que souvent on en faisait. Il y avait une histoire. Ça, de... j'en ai rajouté. Enfin, des oignons coupés en tranches avec juste l'eau, soupe à l'oignon. Alors, avec tant qu'on est dans les soupes, un truc que vous pouvez faire, et franchement, ça tue personne, c'est le potage à l'italienne. Vous prenez du riz. Je sais pas, vous prenez une poignée de riz pour deux personnes, normalement ça suffit. Quelques tomates pelées, vous les tronçonnez, vous les cassez en morceaux, faites revenir votre riz, d'accord. Et vous gardez l'eau, d'accord. Donc il faut un grand volume d'eau par contre. Donc je crois que c'est deux volumes d'eau pour par rapport à. Faut doubler le volume d'eau par rapport à ce qu'on fait en cuisson de riz d'habitude. Et puis à côté de ça, vous faites revenir quelques oignons émincés, vous faites cuire votre riz, hop. Vous mettez votre sauce tomate, enfin votre vos tomates, vos oignons, vos machins. Vous laissez ça mijoter une petite demi-heure. Vous mettez juste un petit peu de pain gratiné et puis un tout petit peu de fromage râpé dessus. Vous mangez ça. Vous faites un repas complet avec. Ouais. Ça coûte que dalle et c'est une tuerie et ça vous cale très très bien. Est-ce que c'est le minimalisme, Fran? Non, je pense pas parce qu'il y a quand même. T'as pas besoin de passoire. T'as pas besoin de passoire. Tu peux tout faire avec une seule casserole. Ouais. Mais si t'as besoin d'une passoire, tu mets les mains dans l'eau chaude. Tu nécessites de faire pas beaucoup de vaisselle. Alors, tu parce que quelque part, c'est chiant de faire la vaisselle. Mais... Donc les recettes qui nécessitent de pas salir plein d'outils. C'est vraiment super quoi. Moi c'est pas du troll hein, mon truc. C'est ton optique de pas passer du temps à faire du nettoyage, c'est une valeur ajoutée pour toi, ça peut faire partie de ton monde minimaliste. Mais c'est ça. Voilà. Ou deux, mais moi le monde du troll hein, ma question. Non mais moi le monde minimaliste, il s'applique pas à la cuisine. Moi plus il y en a, mieux ça vaut. On se voit dans une partouze. Moi j'en ai plus que deux. Alors je cite Clochette. Ah la fée. J'ai mis une touche perso à la place des carottes, j'ai mis 500 g de chicon et 4 tranches de jambon. J'ai doublé le volume d'eau. J'ai doublé le volume d'eau et ça donne un résultat délicieux. On a tous apprécié, excellente recette. Une soupe de carottes mais sans carottes. Un gratin de. C'est effectivement un velouté de carottes. Bien sûr, alors là y a rien qui va quoi. Enfin, c'est bizarre. Donc, à la place des carottes, donc on enlève les carottes, le plat. On met des chigons. Voilà, on met 500 g d'endives et 4 tranches de jambon dans la soupe. Ouais, c'est une soupe d'endives. C'est des endives au jambon. Mais surtout, après, elle dit j'ai doublé le volume d'eau. Donc, un velouté, c'est censé être un peu concentré. Bah, là, t'as une espèce de flotte avec des endives qui flottent. Justement dessus. Ça va être un peu liquide, à la paille. Hein. J'ai du mal à imaginer le concept de velouté d'endives. Bah si, il faut beaucoup d'endives. Juste beaucoup d'endives, les rallonger à la crème fraîche, et puis voilà. Oui, c'est un peu ça. Mais il faut énormément d'endives. Bon, mais... Après, chacun... Ouais. Alors justement, là, tu lui en parlais, c'est ce truc, c'est... En cuisine, il y a un truc qui m'exaspère, c'est les gens qui font... Ça c'est la vraie recette parce que c'est ma grand-mère et c'est la vraie recette parce qu'il y a des petits pois dedans. Et l'autre il va dire ma grand-mère elle a la vraie recette parce que dedans. C'est des oignons, c'est pas des petits pois. Des petits pois, on s'en fout. Voilà, ça va. Moi il n'y avait que, avec le, comment ça s'appelle, les pâtes, la merde, on l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Carbonara. Ouais, parce qu'en fait c'est pas du tout le même goût en fait. Bah tu mets du parmesan et tout en fait. Mais de toute façon, même sur un plat dans une région, selon que tu sois d'un village à un autre, t'as des variations. Et puis même, mais souvent ce qu'elle a dans son... Regarde les couscous, d'un pays à l'autre, ils sont même pas foutus d'être d'accord entre eux. Et même, au fur et à mesure de l'année... Vous avez sa mère. Au fur et à mesure de l'année, la recette elle est pas identique. Le couscous il a pas la même, le même goût à la saison des tomates qu'à la saison des carottes quoi. Forcément. J'ai demandé à Lily, enfin aux personnes sur le chat, les recettes remix. Et Lily 57 me dit tortilla, chips, chili cheddar gratiné au four. Chili cheddar. Ouais, ça ressemble. Ça c'est pour un genre. C'est pas gênant, non, mais c'est pas gênant. Enfin, moi je trouve que ça a l'air cohérent dans l'ensemble quand tu mets tous les éléments côte à côte, tu regardes, tu dis ça semble plutôt bien. Donc, et ça c'est quoi? C'est son plat préféré? Non, les recettes remix. Recette remix. Honnêtement, moi, tu vois, j'aimerais bien goûter, ne serait-ce que par curiosité pour voir. Bah déjà, juste les chips tortillas, donc les trucs en triangle qu'on trempe dans le guacamole avec du cheddar par-dessus au four. Ça doit bien s'éboîter. C'est pas. Mais ça s'appelle comment ça d'ailleurs? C'est ça, non, ça. Des tortillas. Non, mais quand tu mets le fromage dessus, ça, non. Quand on était à Nachos, en Espagne, à PortAventura, on a été manger dans un restaurant typé mexicain et avait des tortillas. Alors déjà, c'est dégueulasse ce que tu dis. On dit un arrête de raciser la bouffe. Un restaurant mexicain food. Un restaurant mexicain food. Non, c'était de typé mexicain. Et donc personne n'a la ref. Non, pas moi. Non, la classe américaine, tout. Tu sais, la classe américaine. Bah bravo, ça le met dans le générique, et après ça le met dans la barre, bravo. Mais si pour retenir toute la classe américaine, on n'a pas fini. Et donc, donc c'est, pour moi, c'est pas une recette au remis. Peut-être à part avec le chili en plus. Si c'est la viande, ça, je pense justement que ça doit juste amener de la mâche dessus pour contrebalancer le croustillant et le fondant. Non, franchement, en fait, son plat, il a l'air super bien équilibré en termes de texture. C'est qu'on peut utiliser les chips écrasés et les fonds de paquets de chips et de tortillas justement pour préparer une base pour faire d'excellentes panures, notamment pour le hachis parmentier dont tu raffoles. Je raffole. Ouais. Je savais pas comment enchaîner en fait. J'ai mon dernier commentaire. Là vous allez m'aider parce que je comprends pas le commentaire. C'est Seor qui me dit 3 étoiles sur 5 bien sûr sur cette recette. Ouais. Technique. Je me suis trompé en suivant la recette, j'ai coupé la baguette dans le sens de la largeur. Okay. Bon. Baguette fourrée. Baguette fourrée. C'est la recette de la baguette fourrée. La largeur, comment tu veux la couper dans. Bref, comme ça. Je sais, la recette de la baguette fourrée, c'est ça. Du coup, mon sandwich n'avait pas beaucoup de goût et était très sec. Je pense qu'avec un peu plus d'expérience, j'aurais pu réussir. Je vais tenter plus tard dans la semaine. Attends, mais quel rapport entre le sens de coupe et le goût du truc? Bah si, mais elle l'a coupé dans la largeur, au lieu de le couper dans la longueur, elle l'a coupé en deux en fait, comme ça. Là, il est coupé dans la longueur. Et donc après, tu veux faire comment ton sandwich? Avec une demi-baguette. Tu veux le faire comment ton sandwich? Ces gens-là, moi je peux pas rien pour eux. Est-ce que c'est la baguette fourrée, non? Non, c'est la recette très technique du gamboumbeur. Juste pour expliquer ce qu'a fait Asto, c'est qu'il a simplement pris un graissin qu'on avait sur la table et il l'a cassé en deux en nous disant voilà, l'a cassé comme ça. Ça suffit pour tout nous faire comprendre. Oui, mais des fois. J'avais pas. Donc c'est effectivement. Non, mais moi j'avais pas tilté. La recette du gamboumbeur. C'était tellement con en fait. J'ai même ouvert des baguettes fourrées. Comment elle a fait pour le manger? Parce que t'aimes bien les tomates farcies. Ah oui, je sais pas. Du coup, je suis allé sur la fiche, j'ai récupéré la recette. Jambon-beurre, alors il y en a ça, une ou il y en a. Ça tient en une ligne. Ouvrir la baguette dans le sens de la longueur et beurrer les deux côtés. Ouais. C'est un troll, ton commentaire. Couper la tranche de jambon et la placer de telle sorte que il n'y ait pas d'eau. Légèrement de la baguette. Voilà. Ajouter des cornichons si vous aimez. Voilà. Donc le mec a raté un sandwich au jambon. C'est fort. Je pense que c'est un fou. C'est un troll. Bah je sais pas, parce qu'il dit. J'aime bien moi la fin de son commentaire. Je pense qu'avec un peu d'expérience, j'aurais pu réussir. Il y en a certains dans quelques points de France et ils ont pas la lumière à tous les étages non plus. Attends. Ouais, mais moi couper la baguette. Je pense que le mec il s'est planté. Dans son expression de la longueur ou de la largeur. Il a fait des petites tranches de pain. Avec comme ça, donc des petites tranches de baguette et puis avec genre le gros morceau de jambon qui dépasse et puis... Ouais, ça devait pas être pratique à manger, ça doit tomber quoi. Pas un jeu Ou alors il a tenu sa baguette comme ça et il l'a mangé comme ça. Peut-être. Ça c'est comme le pilote belge qui arrive en... Il compte bien 747, il arrive en bout de piste. Il fait putain, on va être court. Puis il pose l'avion, puis il tire à fond sur les freins et tout, il freine. Il sort pas de la piste. Il fait putain, elle est courte la piste. Hein. Il fait par contre, qu'est-ce qu'elle est large. Voilà. C'est tout pour moi. Et enchaîne. Voilà, c'est bon, je voulais terminer sur cette recette de sandwich Raté quoi. Donc c'était effectivement un jambon beurre. C'est pas très grave. Alors du coup, est-ce que je peux rajouter que dans un sandwich jambon beurre, si on met un fil de moutarde, c'est super bon. Ouais. Oui. Ça fait. J'arrête. Et même une petite tranche de gruyère. Ah là, mais là on sort, on dépasse le sandwich. On est parfaitement dans le custard, on a fait un peu de Cantal. Puis même, allons plus loin, où commence le crouton, où termine le crouton sur une Où commence le crouton d'art? Ça dépend comment on le coupe. On le coupe, il commence le petit bout par rapport au bout du pain. C'est le crouton. C'est pareil, hein, quand sur le camembert. Hein, pour savoir où est le début, où est la fin. Tant que tu l'as pas coupé, il n'y a pas de crouton. Le crouton n'existe pas. Le quignon, tu bouges la baguette, quoi. C'est vrai que c'est. Le quignon. Le crouton, c'est métaphysique. Bon, bref, voilà. Moi, je pensais que le quignon, c'était. Le qui est au bout, quoi. Ouais, mais on considère que c'est le crouton à partir du moment où il est coupé ou pas? Oui. Bah oui. Bah, moi, c'est... Sinon, c'est un bout de pain. Sinon, c'est un pain. S'il n'est pas coupé, c'est une baguette. Ou commence le bout d'une saucisse. Bah, au début. Ouais, ou termine. Attention, je vais vous montrer où ça démarre et où ça s'arrête. Bon, voilà, c'était une petite. Manger la saucisse par les deux bouts. Ouais. S'il arrive à manger par l'autre bout, il est quand même à l'aise. Maintenant, je vais pouvoir terminer ma bière et manger. Mais bravo, merci. Bon bravo à vous, merci messieurs. Donc maintenant, je crois qu'on passe, on passe à toi, non? Et il me semble bien. Bon, c'est parti. Ce générique n'aura jamais autant été à propos, puisque je vais vous parler du groupe de musique qui a fait notamment le générique dont je me sers pour mes jingles. Voilà, du groupe de musique qui s'appelle Perfume. Et si tu as la liste qui est prête, je t'invite à la lancer. Ah, hop, ça part et je baisse. Ça part. Tu vas la baisser c'est ça. Un petit peu. Je vais baisser mon retour aussi. Voilà. C'est un groupe de musique japonais, non? Ouais. Exactement. Ah ouais, j'en étais sûr. Et est-ce que le premier morceau est très macro? Oui. Oui. Oui, oui. Le morceau qu'on est en train d'écouter actuellement est très macro, puisqu'il s'appelle Startup. Voilà. Je sais que ça allait faire un horaire de jeu. Les mugs de l'Elysée approuvent ce message. 55 euros, mais chez Henri Michel, c'est moins cher. Donc, Perfume, un groupe féminin de J-pop et électropop formé au début des années 2000. Ils sont originaires de la préfecture d'Hiroshima. Oh là là, ils ont été irradiés. Ça pète là-bas. Hein. Mais t'inquiète pas, début des années 2000. Elles n'étaient pas nées à l'époque où ça a pété, puisqu'elles ont 29 ans. Et t'inquiète pas qu'il y a eu de la pété. Elle devait être mignonne. Ouais, t'inquiète pas. Donc le groupe est constitué de Ayano Otomo, qui s'est appelé Nochi. Et pas Katsuhiro quoi. Yuka Kachino, qui se fait appeler Kashiyuka. Et Ayaka Nishiwaki, qui se fait appeler Achan. Alors ils ont réussi à atteindre leur grand objectif en 2008 quand même. Donc ça a mis 8 ans avant d'arriver à être premier du Top Oricon, c'est-à-dire les charts. Il y a de la concurrence au Japon. Oui, il y avait pas mal de concurrence et puis il a fallu aussi un petit peu le temps qu'elles arrivent à se faire connaître et à trouver leur voix. Donc elles arrivent première du classement Oricon en 2008 avec l'album Game, puis avec leur single qui s'appelait Love the World. En 2012, pendant la préparation de leur album qui s'appelait Level 3 ou Level 3. Perfume, donc le groupe signe un contrat avec Universal Music, donc ouais, qui leur a permis d'être découverte à l'international, qui leur a donné vraiment l'aura Pascal le aujourd'hui. Puisqu'ils font leur premier gros concert en dehors du Japon en 2013. Donc elles sont produites par un certain Yasutaka. Yasutaka Nakata, qui entre autres fait donc qui est membre fondateur du groupe Capsule, ouais. Qui écrit, compose et produit produit ses chansons depuis 2003. Ouais. Comment ça s'appelle, et puis l'autre aussi qui s'appelle Eito Bito Boy. Oui, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. Qui a une frange là. C'est un peu la nouvelle arrivée de cette année ou de l'année dernière. Ouais. Et donc Perfume est actuellement un des plus gros groupes japonais représentatifs de la scène électropop. Hein. Complètement. Électropop. Elles utilisent très régulièrement de l'autotune. Mais pas comme Jul. Ça s'entend pas mal sur, sur la, comme la musique. Mais voilà, ils ont une culture différente de nous de l'électro, de l'autotune, ce qui fait que c'est cohérent ça et ça passe bien. Ouais. Voilà. Donc la plus forcément vu qu'il y a beaucoup d'autotune, la chaîne pour de vrai là-bas. La plupart de oui. Voilà, au Japon, le playback interdit mon poco. Bah justement, elle, c'est beaucoup de playback, vu qu'elles ont beaucoup voilà, d'autotune. Comme ouais, comme elles ont beaucoup de... D'une part, elles ont beaucoup d'autotune, mais c'est un choix aussi de production des morceaux. Et d'autre part, les chorégraphies. Puisqu'elles voilà, ont donc, vraiment des chorégraphies ultra, ultra compliquées, puisque c'est Mikiko qui fait leur chorégraphie. Donc Mikiko, c'est la directrice d'une troupe de danse... qui est très très très très balèze, qui s'appelle Eleven Play. Ah oui. Et c'est donc Mikiko, c'est également la chorégraphe des Baby Metal. Ah, Baby Metal. Voilà. On l'a lancé sur le Japon, ça y est, là, les Japan in Motion là. Mikiko. Depuis quelques années, le groupe collabore avec l'entreprise japonaise. Ils sont toujours en train de collaborer les gens. Rhizomatics. Ah ok, Rhizomatics. Qui est une entreprise pionnière dans les arts numériques, donc ce qui leur permet d'apporter une dimension supplémentaire à leur, ouais. À leur clip et à leur chorégraphie sur scène. Comment c'est passé au groupe là, comment ça s'appelait déjà là, qui faisait vachement de trucs. Rhizomatics. Qui était passé à Paris d'ailleurs. Putain, j'ai plus le nom là, c'est pour bouger des cubes et tout ça. Ah oui, Chiloé. Chiloé, voilà. Ouais, c'est un groupe ça, visuellement c'est hyper impressionnant. Mais ouais, eux c'est pas vraiment de la musique, Chiloé, voilà. C'est plutôt... performance... C'est de la performance, ouais. Voilà, c'est ça. Vous trouvez très facilement des vidéos sur YouTube de Chiloé, puisqu'ils ont fait tous les trucs Got Talent, America Got Talent, ils sont passés dans tous les pays, ils l'ont fait, en fait. D'accord. Donc ils sont arrivés en finale quasiment tout le temps, donc il y a pas mal de trucs à trouver sur donc les membres fondateurs du groupe qui à la base donc étaient Ayaka Nishiwaki, Yuka Kashino et Yuka Kawashima qui étaient à l'époque en 2000 des lycéennes je vais aller un petit peu plus tard je crois, je sais plus comment ça s'appelait, oui c'est ça. L'Actor School d'Hiroshima. L'Actor School d'Hiroshima. Ouais. Il y a eu pas mal de groupes qui sont sortis de là. Là c'est les plus connus parce que c'est l'emblème. Ouais. C'est quoi d'ailleurs. Voilà. Et donc, là, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai intitulé mon dossier Kaori. Kaori. Kaori. Kaori. Et parce que, si vous avez bien écouté leurs prénoms, donc Ayaka, Yuka et Yuka, c'est un mec qui s'appelle Yuka, elles s'aperçoivent que leur prénom s'écrit avec le même kanji, le K, qui est présent dans leurs trois prénoms, et qui s'écrit avec le kanji de Kaori, qui veut dire parfum. D'accord. Rien à voir avec le cuculture, quoi. Non. Non, mais à voir avec parfum. Cacaori. Mais d'où le perfume. Donc à l'époque, elles utilisaient une autre manière d'écrire. En fait, elles écrivaient en hiragana, je crois, oui. À l'époque. Et depuis, elles ont passé vraiment en anglais perfume. Donc en 2000, elles ont la volonté de former en fait un groupe de musique au sein de l'Actor School d'Hiroshima. Mais malheureusement, avant même que qu'elles débutent leur activité de groupe, en fait, une des deux Yuka, donc Yuka Kawashima, décide de se retirer de ce projet pour se concentrer sur ses études et sur les activités qu'elle avait avec un autre groupe. Et donc c'est à ce moment-là que va arriver Ayano Otomo. Donc la troisième, qui elle du coup n'a pas le K dans son prénom, mais c'est pas grave. Parce que depuis, après en fait, avec le groupe. Bah les couilles frère. Plus tard, ils ont décidé de changer un petit peu la signification du truc. Ils ont dit oui, perfume, c'est le truc qui apaise l'âme, machin. Donc, voilà. C'est ça. Ouais. Bah les couilles frère. Mais à la base, c'était quand même. Pas plus tard. Bah les couilles. C'était quand même. Donc en 2003, ils finissent leurs études à l'Actor School d'Hiroshima et ils partent pour Tokyo. Mais déjà, ça va, il fallait que finisse leurs études déjà. Eh ben oui, donc déjà tu vois, 2000-2003, ouais, leurs études, elles partent à Tokyo et elles y rencontrent donc Monsieur Nakata. En 2006, elles réalisent leur premier album qui s'appelle Complete Best, qui est en fait une compilation de tout ce qu'elles avaient fait plus ou moins en single jusque-là. En 2008, elles réalisent donc leur premier vrai album entre guillemets qui s'appelle Game. Ah oui, je suis en train de m'étouffer. Je bois un coup. Ouais. Là, ce qu'on est en train d'écouter, donc en fond sonore, Tokyo Blur. C'est Tokyo Blur Remastered, donc de l'album Future Pop. Remastered 4K ou Remastered. Donc en 2008, leur vrai premier album qui s'appelle Game, où cette fois-ci donc, ils vont donc atteindre la première place du Top Oricon, avec des ventes qui s'élèvent à 450 000 exemplaires, ce qui leur a valu un double disque de platine. Avec le succès de Game, forcément, ils commencent à faire leur première tournée à travers le Japon. En 2009, le groupe sort son troisième album. Donc là, par contre, ça a vraiment enchaîné entre 2008 et 2009, ouais. Qui s'appelle Triangle, ouais. Qui est inspiré un petit peu des années 80. L'album se vend à 300 000 exemplaires et se classe de nouveau premier aux charts. Afin de promouvoir un petit peu cet album, elles vont entamer leur première tournée, leur seconde tournée nationale, donc toujours au sein du Japon. Ouais, l'international, c'est à partir de 2012 et 2013. Ouais, c'est là que j'ai développé. En 2011, elles vont sortir leur quatrième album qui s'appelle JPN. Pour le Japon. En 2012, elles signent un contrat donc avec le label Universal Music Japan afin de se consacrer à une carrière internationale. Et donc, ça va permettre à leur album qu'elles viennent de sortir un peu auparavant, donc le JPN, de se vendre à l'international et d'être vendu dans plus de 50 pays. Dont la France. Ouais. Un bon, à ce moment-là, également faire leur album de compile, leur deuxième album, Love the World. Donc où il y a vraiment une compile de... C'est un gros album où il y a pas mal de morceaux avec beaucoup de versions remix de tout ce qu'il y avait sur les albums précédents. En 2013, elles sortent leur quatrième album qui s'appelle donc Level 3. En 2016, c'est là qu'il y a une tournée internationale. Ouais. Bah, à partir de 2012, de toute façon, on commence à enchaîner les tournées internationales. En 2016, donc Cosmic Explorer. Et donc, en 2018, depuis un mois, l'album qu'on est en train d'écouter actuellement, qui s'appelle Future Pop. En novembre. Oui, qui est sorti au mois d'août. Qui s'appelle très bien. Future Pop, avec les morceaux donc Startup qu'on a entendu, Future Pop. Macron Ishiwana, Tokyo Girl. Du coup, tu les as pas dans l'ordre, je pense. C'est possible, ça va être. Attends, je vais te dire ça dans l'ordre. On a déjà écouté Tokyo Girl. Oui, et là, on est sur Ishiwana, c'est ça? Non, on est toujours sur Tokyo Girl, c'est la fin. Ouais, ah, pardon. Donc, le prochain morceau, ça va être Fusion. Ouais. Ensuite, il y a Tiny Baby, ouais. Let Me Know, ouais. Chorai Lin. Yep. Mugen Mirai, oui. Useki no Ame, c'est ça. Tenku, oui. Et Everyday. Évidemment. Bien sûr. Voilà. Tenku, c'est paradis, non? Tenku. Tenku, ça veut dire le ciel. Oui, c'est ça. Oui. Donc Chorai Lin, ça veut dire Ultra Future. Et par Marius, Tenku. Mugen Mirai, ça veut dire Infinite Future. Et Useki no Ame, ça veut dire Gem Rain. Quel joueur quand même. On dégoûte carré. Donc donc certains disent que le groupe Perfume est le groupe ayant eu le plus d'influence dans l'industrie musicale japonaise en 2008 et depuis 2008 même, on peut dire. Je peux vous dire, enfin à noter également que donc le morceau polyrhythm qui a servi en 2011 comme bande originale pour le film Cars 2. Ah oui, c'est vrai, putain, oui, ils sont au Japon, voilà. Oui. Je les avais, quoi. Et aussi, voilà. Toi, Cars 2, c'est une belle merde. Je sais pas de quoi on parle. Si, mais j'ai écouté depuis le début du. C'est un Cars 2. Bah, si, c'est un film avec. Avec des voitures, ouais. C'est pas toi, t'as vu. C'est même le second film. Ouais, bah oui, je vais même dire, ouais. Le second film d'une série. 2-3. Voilà, alors. Pourquoi j'ai décidé un petit peu de vous parler de, avant de vous parler de l'album en lui-même, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce groupe? Pourquoi pourquoi tu nous as parlé de ce groupe? Parce que c'est bien. Et pourquoi voilà. C'est bien? On arrête le podcast. Pourquoi c'est bien? Non, parce que c'est, c'est un groupe que j'ai découvert grâce à la chaîne de télé No Life. Forcément. Feu No Life, quoi. Alors, en même temps, enfin, toute notre culture japonisant, principalement en termes de No Life, oui. On va dire. Parce que vous n'êtes pas japonais de... Non, de faciès, non. C'est un beau compliment, c'est quand même le compliment. Non, de base, comme ça, on n'est pas japonais. Mais... Ah bon? J'ai une grosse bite. Non, alors voilà, donc bah, du coup... Donc t'es pas japonais. ça c'est raciste. Donc, bah, No Life, No Life Clip, clip de musique japonaise. Si tu veux que je finisse en PS, toi. Et donc, clip de musique japonaise, Perfume. Perfume, ouais. Voilà. Parce que c'est des performances... C'est le groupe du Japon depuis 2008. C'est ça. Et puis, c'est des performances scéniques qui sont... Waouh, voilà. Voilà. Qui se posent... Ouais. Les clips, ils sont... Y'a rien à redire. Enfin, y'a pas grand-chose. Franchement, c'est bien. Au-delà de la musique, Perfume, c'est aussi voilà, des performances scéniques et des chorégraphies. S'enrouler comme des avions, ça c'est que le commentaire. Perfume. C'est vrai que le commentaire, c'est un rapport comme des avec avions. Performance. Ah ouais, non mais... Tu vois, perf. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai autant te dire que je vois les cuisses au caisson. Et donc, voilà, à l'époque où je voyais ces clips, je trouvais déjà la musique sympa et les clips étaient vraiment super bien foutus, super beau. La Suitaka, c'est faire de la musique, les clips sont beaux, les chorégraphies sont géniales, donc on tombe sur quelque chose qui, voilà. On va dire que l'alignement est bon. Voilà, c'était un bon alignement des planètes qui fait que j'ai été conquis par ce groupe. C'est vrai qu'il y a pire. Et t'as dit avec moi que j'ai les photos. Ouais. Et ils ont 29 ans. Donc. Ouais. C'est pas mal. 29 ans, c'est bien. Ça gratte plus, ouais, c'est nickel. Et donc, trop jeune, voilà, trop vieux. Depuis, j'écoute beaucoup d'albums. Enfin, j'écoute quasiment tous les albums, un peu en boucle. De ce coup. Oui, mais est-ce que c'est mieux que Joss Satriani? Mais est-ce que Joss Satriani n'utilisait pas l'autotune? Si, sur le morceau d'un album, il l'utilise. Ouais, alors du coup je révise mon jugement parce que j'ai des gros plans et finalement... Non. Oh, ils ont des cuissots mon coco hein. Non, c'est... Comme quoi les images quand c'est pas trop retouché... Quoi, c'est pas toi qui les prends... C'est pas les filles les plus mignonnes du monde hein. Non, mais j'étais tombé sur une série de photos où elles avaient l'air plutôt bien arrangées et tout, et tu les retrouves un peu nature. Bon, voilà, tu sens qu'il y a quand même de l'ouvrier géorgien derrière les plâtres, quoi. Quand il faut les maquiller. Tu veux dire. Angelo. Angelo. Comme dirait Georgie, ah oui. Donc voilà, après les avoir découverts donc, sur nos lives, j'ai un peu suivi un petit peu tout ce qu'ils ont fait depuis. J'ai suivi leur actu. C'était quand même il y a de ça 4-5 ans. Sur nos lives, t'as pas donc, C'était que entre guillemets la deuxième sortie d'album que je connaissais en fait, que je de ton vivant, voilà. De mon vivant. Et donc cet album Future Pop, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors il faut savoir que Perfume à la base, leur premier morceau, leur premier album, c'était quelque chose dans un style. En fait elles ont beaucoup évolué dans leur style. Au début elles étaient sur ce qui s'appelait du Shibuya Kei. C'est un style de musique. Pop jazz. Donc ça se dit inspiré des années 60. Ouais. C'était un truc un peu bizarre. Pas mal. Donc leur début c'était vraiment ça. Et en fait il y a eu une progression très lente en fait de morceau en morceau, d'album en album. Jusqu'en 2016 avec l'album Cosmic Explorer où on arrivait vraiment sur de la dance, de l'électropop dance. Et le problème de cet album, de l'album Future Pop qu'on est en train d'écouter, c'est que au final c'est un copier-coller de l'album précédent. Dans la structure, d'une part. Ouais, déjà. Le cinquième morceau de l'album sur les deux albums, donc ici Fusion qu'on va écouter juste avant, et sur Cosmic Explorer qui s'appelait Story, où c'est vraiment que des morceaux, c'est vraiment un instru pur électro. Et il est placé au même moment sur l'album. C'est vraiment exactement la même structure et on est toujours vraiment dans de l'électropop en fait. Il n'y a pas eu d'évolution dans le style entre le précédent album et celui-ci. C'est ce qui fait aussi que le jugement est un petit peu étrange, puisqu'on retrouve vraiment ce qu'on connaissait déjà. Et en fait, c'est trop proche de ce qu'on connaissait déjà, et c'est pas aussi percutant en fait que l'album précédent. Il n'y a pas de morceau qui te rentre vraiment dans la tête, comme sur l'album Cosmic Explorer, ou de morceaux vraiment... Ouais, il n'y a pas un morceau qui sort, comment ça s'appelle, qui sort du lot, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Il n'y a pas vraiment un morceau phare, quoi, dans le truc. Et là, quasiment la moitié des morceaux de l'album, on les connaît déjà en fait, puisqu'ils ont été teasés depuis un peu plus d'un an, à travers des clips qui sont sortis. Ah oui, ça fait déjà plus de certains morceaux comme If You Wanna ou Tokyo Girl, on les a déjà vus ou écoutés via les clips qui sont déjà sortis sur YouTube et tout depuis plus d'un an. C'est pareil pour d'autres morceaux, Let Me Know ou il y avait quoi d'autre. Ah non, mais en gros l'album il sort, mais bon, un peu... Bah l'album il sort, au final tu en connais déjà la moitié, et c'est l'autre moitié, l'autre moitié c'est la même chose encore, donc... t'es un petit peu refroidi par le truc. Bon, ça reste agréable à lire, hein. C'est toujours aussi bien produit, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas l'album que je retiendrai du groupe, hein, et ce n'est pas l'album que je retiendrai de l'année non plus. Tout groupe confondu, tout album confondu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous pouvez éventuellement, si vous souhaitez, jeter une oreille à la discographie de Perfume. Les albums sont disponibles sur YouTube sous forme de playlist sur leur chaîne YouTube. Vous les trouvez aussi également très facilement sur Deezer ou sur Spotify si vous souhaitez. Ils sont Bandcamp. Va donner tes sous sur Bandcamp. Est-ce que vous avez des choses à dire, Monsieur Azertov ou Monsieur Gandalf, qui connaissaient déjà le groupe? Ouais, c'est vrai que c'est un peu péjoratif. Ouais, c'est vrai que le mot que je retenais, c'est un peu quelconque. Ouais, c'est un peu ça. C'est bien. Ça, c'est je laisse écouter. Tu dis ouais, c'est chouette, mais finalement, est-ce que t'as envie d'y retourner? Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu bon. Ouais, sympa, mais c'est bien, mais pas top. Moi, par rapport à Perfume, j'ai plus accroché justement pas tant au niveau de la musique, parce que l'électro comme ça, ça ne touche pas plus que ça. Ça en touche une sans bouger l'autre. Et c'était plus l'aspect justement combinaison entre la musique et les clips, où il y a vraiment un aspect scénique et chorégraphie dans les clips, où c'est là que t'accroches, pour moi, où j'accroche le mieux. Donc là, le fait juste d'écouter comme ça, c'est comme quand t'écoutes World Order en fait. C'est ça, ou t'écoutes One Ok Rock, pas One Ok Rock, mais Ok Go. Ok Go. Oui. C'est exactement la même chose, c'est la musique en tant que telle, quand tu l'écoutes, c'est parce que derrière, c'est derrière les concepts, il y a les vidéos qui sont là et qui font que ça apporte un truc en plus. C'est ça. Bon, là on est quand même sur du... c'est du Nakata, quoi, donc c'est quand même... La branlette, c'est comme partout, ça doit être génial. C'est ça. Non mais voilà, le problème c'est que l'album en lui-même n'est pas... C'est pas parce que c'est lui que c'est truc que c'est bien, non, c'est... Coluche. Ouais, c'est... c'est pas des proches qui a dit ça? Ouais, non, c'est... Non, c'est... non mais je dis pas que ça empêche pas, mais voilà, c'est quand même que t'es au niveau de production un petit peu plus... Voilà, Et bon, après ça empêche pas de faire un album collé un peu quelconque, quoi. Mais tu peux avoir une production de merde et avoir un bon truc derrière quand même. Donc c'est pas parce qu'il y a une bonne production ou c'est une bonne personne qui a vraiment du talent qui fait tout le temps les mêmes trucs que bien. Tu veux pas tromper mille fois une personne, tu peux me tromper mille fois mille personnes. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc, quand c'est bien produit. Perfume, à mon avis, c'est plus en regardant les clips que je vais voir si j'accroche plus que ça. Les clips des morceaux de cet album sont moins chorégraphiés, il y a moins de passages chorégraphiés qu'on a pu voir sur... Oui, par exemple sur Nez, où justement ils ont un vrai jeu de jambes dessus. C'est impressionnant. Moi je pense que si tu es obligé de regarder les clips pour trouver qu'une musique est bien, c'est qu'il manque un truc dans la musique, hein, parce que normalement ça passe sans les images de la musique. Hein. C'est pour ça, mais c'est le but, quoi. T'as des concepts où justement c'est la musique est quelconque, mais c'est le truc derrière. Je suis d'accord, c'est léger des fois ce truc. Ouais. C'est l'edge. Tu vois, Gorillaz, les clips sont super, la musique est super. Quand tu vois les deux, tu te dis, mais c'est excellent, ça va bien ensemble et tout. Mais sans les clips, la musique elle tient le coup. Voilà. Oui, parce que c'est, à mon avis, après c'est réfléchir. Voilà. pour que la musique passe. Là, enfin, pour moi, c'est la musique, comme dit Gandalf, elle est quelconque, quoi. C'est, Bah, surtout sur cet album-là, les albums précédents. Ouais, mais tu vois. Né, franchement, un truc comme ça. Même le Tokyo Girl, le Tokyo Girl, le Remastered, pas trop d'inspiration. Ouais, voilà, c'est ça. On a l'impression, ouais, que ça manquait d'inspiration par rapport au précédent album. Mais ça se voit sur les derniers Carrie aussi, d'ailleurs. Celui d'avant avait très bien marché, il était très très bien. Même sur les derniers Carrie, c'est moins flamboyant, on va dire. Ouais, j'ai pas. Il manque un peu de. Un petit truc, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai quand même donné envie de jeter une oreille. Non, mais écoute, Tu vois, autant les premiers morceaux que j'ai entendus, ça me paraissait bien. Mais là, ouais, c'est un peu. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, tu sais, ça s'éteint tout doucement. Ouais, ouais. Et quand j'ai entendu le quelconque, je te dirais que. C'est. Autant au départ, j'aurais eu la curiosité d'aller voir, autant là. Ben non, je préfère nettement les choses que tu nous as fait découvrir dans les épisodes précédents où on était vraiment plus dans de la J-pop rythmée. Enfin là, pour moi, non. C'est bien. Les pauses, pour moi, c'est pas leur style. Temps, bah, mais bon. Après, je t'invite quand même à aller jeter un œil à leur clip du précédent album. Oui, voilà, après, j'ai bien compris qu'il y a un côté visuel à essayer d'associer. Il y a un gros côté visuel et il y a un gros côté que l'album que je suis en train de vous faire écouter, c'est vraiment, c'est clairement pas leur meilleur, voire même leur plus mauvais depuis le début de leur carrière. Ouais. Donc, c'est fade. Donc voilà, si ça vous a plu avec ce que je viens de vous faire écouter, bah, vous allez aimer le reste. Si ça vous a pas plu, bah, tant pis, essayez de. Faut écouter quand même le reste. Essayez d'y jeter au moins une oreille. Ouais, bah non, au moins ça me donne une base du style que sur lequel t'es pas fan et tu peux chercher autre chose à côté. Ouais. Exactement. Moi, tu le sais. S'il n'y a jamais rien de perdu, allez regarder. Et c'est ça, même des trucs qu'on n'aime pas. Ouais. Regarder des trucs qu'on n'aime pas, c'est pas du temps perdu. Quoi. Non. Non, parce qu'au moins tu sais pourquoi t'aimes pas. Ça peut te faire comprendre des trucs sur les trucs que t'aimes. Bon, bah écoutez, alors on va dire merci, merci Asto. Merci Asto pour ce numéro de Up to Eleven. On se retrouve dans 15 jours pour. Ah putain de merde! Tu sais que j'avais failli, au début j'avais mis sur le conducteur pour mon dossier, j'avais mis j'ai volé le podcast de Gandalf. J'avais mis Up to 12. Total. Yeah! Tu peux. Je sais plus ce que j'avais mis comme connerie. Vous pouvez. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on en a fini avec ce dossier quand même, que t'es pas mal, que t'as duré un petit peu de temps, ça va, parce qu'on avait eu... J'ai beaucoup rushé. Oui, bon, après, t'as pris... On a le temps. Voilà, on a le temps. Donc maintenant, nous allons passer aux questions des invités, mais il faut que je les retrouve. Les questions... Je suis là ou pas, François ? Allez, viens. Est-ce que tu veux des questions que j'ai rajoutées il y a deux jours? Va manger des chips. J'ai rajouté il y a deux jours. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Allez, viens, je t'emmène au vent. Oui. Il est 22 ans. C'est parce que j'étais emmerdé. Ben cette fois, je vais regarder. C'est pas un invité, mais c'est pas grave. C'est quoi? On sait jamais. Je vais regarder les questions alors. Ouais, vas-y. Monsieur. On va dire un truc que je sais pas, donc pas dans les premiers, pas dans les derniers. La 28. 28. Oula, alors c'est une question de notre ami Randall Flagg. Syrien attaque. Si rien n'attaque au téflon, comment il peut... Non, si rien n'attache au téflon... Non, n'attaque, je ne rigole pas. Si rien n'attaque au téflon, comment il colle au fond de la poêle. De la poêle. C'est l'attache. Il manque un... Alors il manque déjà poêle écrit... Ça s'écrit poêle. Oui, il écrit poêle, POIL. Voilà, et n'attaque, ben, je vais que lire. Et pourtant, Dieu sait que... Cette question est ratée. Mais c'est parce que toute la poêle est en téflon. Si rien n'attaque au téflon... Bah si, c'est ça. Moi, c'est la réponse, c'est ça. C'est parce que toute la poêle est en téflon. Donc du coup, c'est bon. Ça. C'est une bonne réponse, mais en vrai, c'est pas comme ça dans les poêles. Et c'est vrai que sa question est pas conne. Parce que c'est un anti-adhésif, le téflon. Mais donc regarde, comment est-ce que ça fait pour coller sur la poêle? Je suis pas très fort en poêle, moi. Comment ils le font adhérer à la poêle? C'est surtout que c'est un très bon mélange. Peut-être qu'ils le mettent, et ensuite ils le font cuire, et après ça vitrifie le téflon, quoi. Je vois que un truc comme ça, moi. Comment ils peuvent faire ça? Non, un emporte-pièce et puis un plaqué collé, une espèce de lamellé collé, mais collé, anti-adhésif. Bah par soudure par coin. Par l'opération du Saint-Esprit. Une espèce de soudure par coin. Il va le faire. Mais il va le faire le jeu. Ouais, quoi, mais qu'elle a été faite, hein, parce que... Ou une réaction chimique ou électrique, une soudure entre les deux plaques. Bah c'est ça, ou alors... Une soudure à l'électrode, type soudure à l'électrode. Toutes les molécules de téflon sont orientées dans le même sens. Ils sont fous. Elle est... Elle est con. Ah, ça sent le vécu, surtout. Oui, c'est pour ça que j'ai mis. Ah, mais la dernière question est formidable. Ah ben... La dernière. Ah oui. Oh, peu importe, moi je veux dire oui. Mais ça dépend quoi. Ah, tu l'as vu la dernière? Bah je suis intéressé du coup, je sais pas. Ah, bon alors on va dire la dernière alors. Bah ouais. Pourquoi les moustiques font moins de bruit quand on allume la lumière? Oui. Oui. Franchement, on l'a dit pour la dire parce que là, elle était tellement belle. J'étais en train d'essayer de dormir, il y a un putain de moustique qui m'a fardé. J'ai pensé à ça, puis j'ai allumé la lumière, et effectivement, il n'y avait plus de moustiques. Ou les mouches qui rentrent dans un tout petit truc, et puis t'as toutes les fenêtres, bah ça va plus rien. C'est ça. Bref, quelle vie. Et donc, monsieur Ben, la vie des mouches. 42. Encore ? Non, pas 42. 22. T'es fou. 4. 4 ? Ah. Audacieux. Alors on a le flag. D'où viens-tu ? Oh, c'est nul. C'est nul. Ah, c'est l'apéro. Hein. De Melun. De Melun. Mais Melun Sud ou. Est-ce que du Melun camping, ouest... Du camping ou. Non, là, en prenant à droite après Charles. Parce que là-bas, vous faites beaucoup des blagues Melun me lèche. Non, jamais. C'est même interdit. Non, mais tu vois, non. Est-ce qu'à Castres, vous faites toujours des blagues 4 castrés? Oui. Non, toi. Oui. Bah, ils sont à Bijoua, donc ils aiment pas trop Castres. Toi, c'est, Nous, on a le droit, nous, on a le droit. Parce que c'est Melon et Melèche qui regardent, c'est moi préféré celle-là, qui veulent regarder un film de science-fiction. Melon veut regarder Star Wars et Melèche, le trou noir. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, mes chers amis, parce qu'il reste encore un petit dossier. Ah, c'est mais bon. Est-ce un dossier, est-ce un coup, est-ce une enculerie, est-ce un tarabiscotage? Est-ce Azertov qui vide son étagère? Oui, c'est ça. Donc, on y va. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Pourquoi? Vous êtes prêts? Ça éponge. Faites une forme de saucisson. Non, mais je suis même pas le. Et moi, bon. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Non, putain. Un personnage sortant des flammes. Quel curieux, et la survivante. Jouer, on va jouer. Alors, je vais vous faire une petite partie très rapide de Kantoutaku. On tient les Gundam 80, c'est toujours très rapide. Moi, j'avais pas aimé. Je vais clairement, vous donner 3-4 chacun. Mm-hmm. Pas moi. Si, chacun. Ah non, mais j'avais pas aimé. Je... Et en fait, ce sont des cartes, par exemple, qui sont thématisées sexualité, et Patrick sexuel et compagnie. Et par exemple, donc c'est... Moi, je suis nul en sexualité. Tu fais fermenter son sperme pour te beurrer la gueule. Bien sûr. Voilà. Ni serviette, ni tampon, heureusement, IL sur IMI. Voilà. Et en fait, il va falloir passer. Elle va tellement bien la barbe. Bien sûr, IMI. Ça va, c'est un truc de Poupouille, de Pipoudou, ça? Non, pas du tout. Et en plus, là, bien sûr, je vous ai pris l'édition très très sale. Ouais, donc, c'est des trucs qui sont bien crado. G80 approuve. Donc je vais vous distribuer chacun 3 cartes. Oh, faut les passer ou pas? Comme tu veux. Va falloir ouvrir la bière quand même. Ah mais faut que je fasse passer 3 cartes comme ça? Non, c'est tu fais passer l'ensemble des cartes mais hop. Vas-y, fais passer à mon ami. Si on va faire une petite partie. Allez, on va pas tarder non, je sais pas, je pense que tout le monde a fini. Je vais donc vous demander de mettre donc une de vos cartes soit avant soit après la carte que je vais vous dire. Il faudra relier votre carte à la mienne avec le mot-clé quand tout à coup. Donc je prends un exemple au hasard, je prends deux de mes cartes. Tu palpes un truc long et très mou quand tout à coup, un anus de chat ou un gangbang thaïlandais, ton cœur balance. Et faudra essayer de trouver une petite histoire entre les deux cartes. Ah bon, il faut broder. C'est horrible, je vais pleurer, j'ai rien compris quoi. Non mais une carte, parce que je vais... C'est pour ça que je vais pas jouer. Je vais te dire une carte, et toi t'as trois cartes dans ta main, t'en choisis une, que ouais. tu trouves un petit peu drôle, t'essaies de broder un petit truc qui fasse la liaison entre les deux. Et tu rajoutes ouais, ouais, et après je balance ma carte. C'est ça. Je vais pleurer. Mais non. Ah si, voilà. Ça, ça peut être très bien pour nous. Donc la carte qu'il faut utiliser, vous placer soit avant, soit soit par devant, soit par derrière, pour utiliser les termes exacts de la règle du jeu. Mm-hmm. Tu comptes le nombre de couilles. Tu comptes Tu recomptes le nombre de couilles. Tu recomptes. Sachant que les mots en jaune sur vos cartes peuvent être changés. Par ce que vous voulez. D'accord. Moi je peux jouer. Bah tout le monde. Tu comptes le nombre de couilles qu'il y avait sur la table après la libération en 1945. Tu penses à mamie et tu jouis quand même. Ouais, allez. Ah tu penses à mamie et tu jouis quand même. Ah la libérale. Elle vit sa vie à la libération. Tu peux la répéter, c'est. Tu recomptes le nombre de couilles. Attends. On peut mettre avant ou après, c'est ça? Avant ou après, ouais. Putain, là, je vais être obligé de changer le mot parce que je suis pas sûr qu'on le prenne. Opération du dos réussie, tu peux enfin te léchouiller le trou de balle quand tout à coup tu recomptes le nombre de couilles. Est-ce que vous en avez une BP ou vas-y, Gandalf? Une couille. Tu as une demi-molle devant Motus? Quand tu boules, oh, hein, tout à coup, t'es obligé de rentrer tes boules. Vous la voulez, monsieur? Tenez, monsieur. Tenez, messieurs. Ouais, bon, bah, c'est, tu recomptes le nombre de couilles, hein, c'est ça? Oui. Bah, tu recomptes le nombre de couilles qui te sont passées dessus quand tout à coup ton vagin reçoit le label qualité des pompes funèbres. Oui. Tu rencontres le nombre de couilles et tu dis c'est bizarre, il n'y a pas le compte quand tout à coup ton frère veut rejoindre tes parents au lit. Je n'ai que ça. Hop, allez, on va faire une dernière parce que ça va être assez vite tournage de dos. Donc la phrase c'est ton frère te demande où s'essuyer. Oh, j'ai une petite envie. Ton frère te demande où s'essuyer quand tout à coup tu fais un anus swapping sur Snapchat. Ça veut rien dire. Ouais. Pépé, il est un peu circonspect. Pépé circonspect. Il est circonspect. Ouais, circonspect. Moi, c'est... Alors, c'est quoi déjà Ton frère te demande où s'essuyer. Ton frère te demande où t'essuyer quand tout à coup tu n'aurais jamais cru ton rectum aussi profond. C'est sale. C'est très sale. Les mecs, ils font de la spéléo. Oui. On rappelle. Moi, sur ma carte, c'est une chaussette qui goûte un petit peu. Pépé, t'as l'air d'être chaud Ça baisse de 23h01 à 23h04 quand tout à coup ton frère te demande de... où s'essuyer. Où s'essuyer. Ouais, c'est ça. Eh ben, Marie-Cyprine te branle pendant le carême quand tout à coup ton frère te demande où s'essuyer. Ouais. Bravo, c'est du propre. Marie-Cyprine, très jolie. Non, c'est soi-disant parce que j'ai envie. Tout le monde l'a fait ? Ouais. Oui, non, ben, il est... Il réfléchit une histoire belge. Il est circonspect. P. Ouais, c'est ça. T'as toujours rêvé d'avoir une petite sœur. Oh. On entend hurler « Étranglement du pénis !» Et puis ton frère te demande où s'essuyer. Quoi, putain. Sans raconter l'histoire, en fait. Y aller, quoi. Ouais. C'est ça qui est bon. Bon, allez, est-ce qu'on utilise la dernière carte? Bon, allez. Bon, voilà. Comme ça, on est obligé d'arriver à un truc un peu ubuesque. Ouais. Bon, ben là, ça va être allez, chaud. Celle-là, elle va être courte, un peu comme... La bite à Gandalf. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Gandalf. Transpiration du cul. Ah bah, transpiration du cul, quand tout à coup, tu chies en étoile. moi, c'est transpiration du cul, quand tout à coup, tu fourres le hamster. Bah non, mais dans l'autre sens, tu fourres le hamster, quand tout à coup, transpiration du cul. Non, mais pardon, c'est vrai. Hein. Transpiration du cul. D'accord. C'est vrai, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. C'est plus drôle. Mamie se rend compte qu'elle a pas trans... Ah non. Mamie se rend compte qu'elle a pas transpiré du cul. Du coup, mamie prend une pilule du lendemain, mais ça peut pas. C'était pas du cul qu'elle a transpiré. beau geste, mais non. Et non, voilà. Ah, là, je l'ai pas, moi. J'ai pas. C'était quoi, vos cartes? Moi, j'ai... Tu remercies l'alcool. Moi, j'ai mamie prend une pilule du lendemain, quoi. Et Pépé? J'arrive pas à savoir comment tourner le truc. Transpiration du cul, ok. Je peux dire genre tu transpires du cul, c'est ça? Oui, ouais, la carte c'est transpiration du cul, mais tu peux demander. Ouais. Tu vois, tu transpires du cul, tu sais, c'est bizarre, tu touches et tout. Et là, tu découvres que le caca c'est salé. Quand tout à coup, tu découvres. C'est ça, elle était bien. Elle est bien, j'apprécie le geste. C'est pas un jeu évident, hein. Trop trash pour moi. Oui, bah c'est bien, c'est pour ça que j'ai pris, c'est très en plus, c'est sucré le caca. T'as le tout bien, le Ben? Non, j'ai rendu. Bon, bien sûr, comme je savais que ça allait être un petit peu court, je vous ai préparé des petits quiz. Faut toujours savoir recharger rapido. Des petits quiz Spirou. Ah, alors, du coup, il va falloir noter les gens du chat, s'il y en a, vous pouvez jouer. Maki. Ah, mon dieu, j'aimerais bien transpirer du cul. On veut pas savoir. Bah... transpire du cul, je crois. Il transpire of the... Ça, of the... Of the derche. Alors, on va faire dans cet ordre-là. Pépé, Tocheux, Ben, Gandalf, Asto et l'autre chat. J'ai le bon gros chat. Alors... Donc là, c'est un quiz de façon réponse A, B ou C pour telle question. Et là, réponse A, B ou pas? Et devine ta... Non, il n'y a pas réponse A, B. Devine ta personnalité. Donc là, c'est dans le supplément guide de survie de la rentrée dessiné par Laurel et... Laurel qui fait des ulules, des ulules ou des crowdfunding qui marchent bien. Et Fred de... Ils auraient tort de se passer de l'argent. Ned Hard. Net ou net, on, je sais pas. Donc, Récré Test, que ça s'appelle. Mm-hmm. Un groupe de harpies se moque de l'appareil dentaire de Mélanie, ta meilleure copine. Immédiatement, réponse A. Tu persuades tout le monde de porter un appareil dentaire pour effacer les différences. On est tous des citoyens du monde, quoi. Et tu leur distribues une carte, la carte de ta maman orthodontiste. Réponse B. Tu te rejoins au groupe, plus on est de fous, plus on se moque. Réponse C, tu offres un chewing-gum à Mélanie pour la consoler. Ça se colle dans tous ses fils, ça se colle sur tous les fils de ses bagues. Furieuse, elle te rend son bracelet d'amitié. Ça se fait pas. Mmh. Mais je sais pas. C'est un peu pourri ta réponse. Moi je dirais le A parce que moi je suis pour le cosmopolitisme et de l'argent. Alors peut-être nuance. Vous pouvez utiliser les réponses qui sont ici, ou si vous voulez, vous pouvez piocher une carte quand tout à coup. Ah, ça va être compliqué. Ça va être encore plus compliqué. Non, qu'est-ce que putain, ça... C'est nul. Par lui coller du 220 sur les fils. Mais... Alors, du coup, attends. Moi, je suis un gentil, je vais dire A. Tu vas dire A. Ouais, c'est même pas gentil, là, c'est complètement idéaliste. Bah oui, c'est... Ouais, c'est pour faire plaisir à Azertoth, hein, tu sais. Que non, c'est... Parce que je m'en branle après. Ben, non, tu fais un chewing-gum déjà, elle arrête de chouiner. C'est aussi, t'es bien. Elle en a plein à la gueule, ouais, et puis après, si elle veut plus, elle veut plus. Bah, non, je vais piocher une carte. C'est ta gueule, frère. Je vais faire le mind game, attention. Mélange et prends une carte, quand tout à coup. La bite à Gandalf. La bite à Gandalf est énorme, c'est faux. Tout le monde le sait, attention. Askip, ta sœur, 11 ans, 7 grosses, qui coupute. Quoi? Ouais, super. Super. D'accord. Ah, ça va bien l'appareil dentaire là qui coupe. Quel jeu? D'accord. Monsieur Asto. AB. L'AB. L'AB. Le studio AB. Hop. Question numéro 2. Pour l'instant, il n'y a rien sur, sur le chat. Tu reçois un mot d'amour signé de la plus belle slash du plus beau garçon de la classe. Donc là, à choisir selon votre sexe. Donc et là, s'il est non-binaire? Vous choisissez comme vous voulez. Ouais. Ok. La réponse A. À ton tour, tu écris au tableau un mot d'amour adressé à toute la classe. Après tout, si tout le monde aime tout le monde, il n'y aura plus de guerre. La prof te fait conjuguer à tous les temps. Je n'utilise pas le matériel de l'école pour ma correspondance intime. Mm-hmm. Réponse B. Tu te méfies. C'est trop beau pour être vrai. Et tu as bien raison. En fait, c'est Mélanie, ta copine à l'appareil dentaire, qui a rédigé ce faux mot d'amour pour se venger du fait que tu aies choisi la réponse B à la première question. Ça, c'est très drôle. Ou réponse C. Le mot est truffé de fautes d'orthographe, donc ça ne peut pas être lui ou elle, c'est une blague. Tu lui en parles, elle lui te colle une baffe, tu apprends au passage qu'on peut très bien être beau ou belle et nul en orthographe. C'est bizarre parce qu'il y a la déclinaison beau ou belle et pas nul. Mm-hmm. Ah. Ouh, c'est oppressant ça. Ouais. Ouais. C'est bizarre. B. Bendir B. Ouais, ouais. Bendir. Ouais, moi je vais rester sur le C. Après tout, si t'as pas le niveau en orthographe, ça peut pas être toi. Je veux dire A parce que personne ne le dira et je veux savoir ce qu'ils disent pour la catégorie A. Toi, t'es puissant là-bas. Non, Pépé, il est en plein dans les algorithmes, il a compris qu'il fallait donner du A pour que justement on ait la réponse. Moi, quitte à avoir quelque chose, je prendrais du G. Je vais alimenter Azertov l'algorithme. Ok. Question et dernière question de ce quiz. Déjà ? Il n'y en avait que 3 ? Bah c'est oui, il y en a que 3, ouais. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. On recherche des candidats pour être délégué de classe. Réponse A. Enfin, proposition numéro A. Enfin, proposition A, parce qu'il n'y a pas de numéro A. Réponse A. Tu remets en question le principe de l'élection. Ouais. On a tous la même valeur. Tout le monde devrait être délégué. C'est chiant. Ton vote blanc n'est pas comptabilisé, tu menaces de porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et tu récoltes 3 heures de colle. Logique. Réponse B. Tu mènes une campagne électorale retentissante, tu te fais élire haut la main. Et tu profites de la situation de délégué pour faire passer Mélanie pour une chahuteuse. Bien fait, elle n'avait qu'à pas t'envoyer un faux mot d'amour. J'aime beaucoup ce coup. Réponse C. Tu votes pour Mélanie, vu que c'est ta meilleure amie. Super, elle est élue, mais au conseil de classe, elle te fait passer pour une chahuteuse. Enfin, elle te fait passer pour une chahuteuse. Oh, elle n'a pas digéré le coup du chewing-gum. C'est vrai, c'est chaud. Moi, je dis le A, parce que... Moi aussi, je dis le A, ouais. Ouais, ouais, on est des révolutionnaires, nous. Ouais. Du fuck, depuis le temps, on fait que l'Europe. Aussi. Ah. Tu fais bien le A. Gandalf, il a dit A aussi. A. B. B. Alors, nous avons donc Pépé, ouais. 3A, Tocheux, 2C, 1A, Ben, 1 tchak, Gandalf, 1 temps tout à coup, 1 bas, 1 bas. Un bas. Et Asto, full B. Full B. Alors, tu as une majorité de A, donc Pépé, ouais. Et c'est tout. Tu es la bonté incarnée. À côté de toi. Ça ne donne pas. À côté de toi, Bouddha, Gandhi et Maître Yoda passent pour de dangereux psychopathes. C'est vrai. Et c'est le love. C'est des guignols. Tu as une majorité de B, donc oui. Monsieur Full B. Tu devrais changer de meilleure copine avec Mélanie. C'est parti du mauvais pied. Ouais, à mon avis. T'es plus ma copine. Ouais. Tu as une majorité de C, donc du coup, Tocheux et c'est tout, parce qu'il n'a pas répondu C et toi, t'as un Jack, Ben. Ouais. Pauvre de toi, tu n'en rates pas une, tu devrais postuler pour le rôle titre de la prochaine adaptation Gaston Lagaffe au cinéma. Tu as toutes tes chances. On te pistonnera au besoin. Oh bon, c'est pas grave. Voilà. Non, si t'as A, B, C, ça donne quoi? Bah rien parce que c'est des majorités. Et si on danse quelconque, et voilà. Je suis pas délégué, Mélanie, c'est pas ma copine, exactement ce que j'étais quand j'étais à l'école. Exactement. Alors on va passer maintenant au quiz avec la nouvelle BD de l'autre machin. De l'autre machin. Hein? Ah, c'est Spirou. Zigui lui. Tu le reconnais pas lui? C'est pas chez Jean du Grenier. Non, c'est Cyprien. Ouais. Donc c'est la BD de Cyprien qui s'appelle Roger et les humains, je crois. Ouais. Roger et Rabbit. Le quiz de ce numéro de Roger ce Rabbit. Numéro 41 4191 qui est quel youtubeur êtes-vous? Ah je sens que ton jeu là il est. Alors là, il n'y a pas de lettres, ce sont des symboles. Ouais, bah, d'accord. Zoltan. Ah. Donc je, à chaque fois je vais vous dire le symbole et Henri voilà. Michel. Donc Dring, il est 7h, votre réveil sonne face à votre webcam. C'est la morning routine qui commence. Pop, pop. C'est ça, exactement. Réponse signe play de la musique. Vous racontez votre rêve trop chelou dans lequel vous aviez un entretien d'embauche déguisé en licorne. Icône notification cloche. Vous jouez un sketch sur des types qui se réveillent toujours du mauvais pied. Proposition pouce en l'air. Vous allez récupérer les 100 diamants quotidiens offerts par votre abonnement à Candy Crush. Et symbole reply. Vous présentez un tuto beauté make-up, sublimez votre visage au réveil. C'est moi. Pépé, il fait la flèche. Moi je vais chercher mon abonnement auprès de Candy Crush. Là. Moi je fais ouais. Deux. Alors attends, hop. Je fais une émission sur ceux qui sont tout le temps mauvais poil. Donc on a dit la flèche. C'est moi. Tocheux, il a fait le pouce. Moi je fais le deuxième. Le deuxième, donc vous jouez un sketch sur ouais. Un type qui se réveille sous toujours du mauvais pied. Donc on va mettre ce symbole là, ce sera plus simple. Gandalf. Je vais te play parce que je sais pas. Le play, vous racontez votre rêve trop foufou dans lequel vous aviez un entretien d'embauche déguisé en licorne. Ça, c'est un foufou. C'est complètement foufou. T'as gagné, là. C'est un foufou. C'est même foufoufou, quoi. Le collège. Foufoufou. Asto. Le pouce. Le pouce. Ouais. Mais un pouce vert, c'était un gars sympa. Lors du petit déjeuner. Réponse pouce en l'air. D'une main, vous piochez dans la boîte de céréales. De l'autre, vous jouez à FIFA 2018. Réponse, proposition, reply, vous expliquez la recette des pancakes. Proposition, play, vous racontez l'anecdote du jour où vous n'aviez plus de lait alors que vous vouliez du chocolat chaud, maxi pas cool. Et réponse, notification, vous lancez un challenge débile, celui qui imite le mieux un pancake sur une poêle à frire. La première. Le pouce ? Non, la première. Oui, donc d'une main, vous piochez les céréales, donc c'est le pouce. Ouais, pareil. Plus un... Plus 1. Il y a la 3 à moi. La dernière. La dernière, donc le challenge. Ouais. T'as dit la 3. Donc vous racontez l'anecdote, blablabla. Oui, je parle. Monsieur Asto. La 1, d'une main je prends les céréales et de la deuxième je démarre les croissants. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est d'une main je me fais le petit déj et de l'autre main je fais mon truc sur Power Play Manager. Ah, donc, tu vois, je pensais que t'allais dire autre chose. Non. Et de l'autre main, je. Ça, c'est après, ça. C'est une fois que j'ai fini de manger, c'est pour digérer. C'est l'heure de votre toilette. L'occasion. Pour la première proposition, comme ça, je vais pas vous indiquer lequel que c'est. L'occasion d'imiter une publicité du Tahiti Douche. La tête sous le robinet. En se touchant les seins, tu veux dire genre. Après, tu fais ce que tu veux. Tu imites une. J'aimerais avoir des gros seins. Deuxième proposition d'un conseil secret beauté sur un shampoing sec avec de la semoule au tapioca. Ça veut être chiant des youtubeurs. Ouais. Troisième proposition de ne pas vous laver, vous êtes en tête de la course sur GTA 5. Frère. Et dernière proposition. Raté. De raconter le jour où vous êtes sorti de la douche au camping mais que vous avez volé vos vêtements trop la honte. C'était MDR. C'était quoi la première La première, d'imiter une publicité Tahiti Douche, la tête sous le robinet. Ouais. Moi la dernière. Moi je vois la première. Pour un petit genre ouais, j'étais au camping, putain. Moi je me lave pas. Je me suis fait... Le camping pour voilà, je me suis fait poursuivre par des chasseurs. Moi, je me lave pas. Pécho. Tu te laves pas. Le cul. La 2 c'était quoi? Je vais dans les la bois. La 2 c'est un bois. Conseil secret beauté avec un shampoing sec et avec de la semoule au tapioca. Voilà, poursuivi, j'étais obligé de courir. La 1, Tahiti Douche, j'avais un conseil. Là, j'ai fait des blagues sur Henri Michel. Quatrième question, on en est à la moitié, il y a 7 questions. Sur le chemin de l'école, vous rencontrez des amis. Première proposition, on les viole. Vous réalisez un parcours Kifta Life. pour une promenade 100% insolite et shopping. Ça, c'est moi. Proposition numéro 2, vous vous déguisez en policier et vous faites la circulation en mettant un bracelet un bordel monstre. Proposition numéro 3, vous échangez des astuces sur les stratégies pour NBA 2K18. On va dire ça comme ça. 2K18. Et dernière proposition, vous leur parlez à la fois de la fois où vous avez bêtement mis votre chaussure gauche à droite. Truc délire. Là, c'est une lère aussi, ça. Moi, je suis un moi, clairement, je suis un youtubeur lol. Donc, je pense que je ferai la quatrième. Un youtube lol. Quand t'as fait la chaussure à gauche, à droite, c'était délire. Ouais, c'était trop fort. C'était dard. Ouais, moi, je crois c'est ça. Moi, je suis sur le 2K 18. C'est ouf, quoi. Et encore, heureusement, parce que j'ai qu'une seule paire de chaussures. T'imagines ? J'ai réussi à me tromper, quoi. Non, je peux comme Pépé. Moi. J'ai qu'un seul pied et je me suis trompé de chaussure, tu te rends compte? Et alors, du coup, j'ai jamais pu rentrer. Alors, la chaussure du pied beau, dans le pied normal, j'arrivais à rentrer dedans, mais l'inverse, non. Dans Valve le Touquet 18. Toi, t'as un Touquet 18. Ouais, moi, je suis GNR. Touquet, toi. Ouais, pareil. Moi, je suis très Touquet en plus. Ouais. Parce que j'y touche pas à ça. Parce que... Moi, je fais des vidéos réactions aussi. Cinquième question. Moi, je fais des pranks. Ah, j'aime pas les pranks. Au milieu du coin de français. Les blagues. C'est blagues, ouais, c'est t'annonces un truc en fait. Eh ben non, poisson d'avril. Et non, en fait, t'as enculé, t'as le sida. Voilà. Ouais, mais en fait, moi, c'est le rodéo sida en gros. Sans savoir en fait. Donc, mais c'est une blague. Cours de français, c'est rédaction. Votre sujet libre, c'est. Première proposition, le rétro gaming. Du Pline l'ancien à Victor Hugo. Du Pline. Deuxième proposition, le profil type des différents profs de français. Le fan grec ça, ancien. Le dictateur de l'orthographe. Ça, c'est pas de casse. Le psycho-rigide de la copie double grand carreau. Troisième proposition, un tuto thèse, antithèse, synthèse. Et dernière proposition, le jour où vous avez plaqué votre ex, des os, pas des os. Le jour où j'ai plaqué mon ex, parce que c'est jamais arrivé. Moi je prends le podcast là sur les différents profs, parce que je suis un loller, Maxi. La critique des profs, ouais, là. Je suis un Maxi. Pareil, ouais. Je sais pas. Des profs, des fois ils sont pas là et on rentre à la maison. Je m'en rappelle plus, mais moi je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Alors l'avant-dernier c'est un tuto thèse, antithèse, synthèse. Non, c'est pas ça. Et c'est le jour où vous avez plaqué votre ex, ouais. Des os, pas des os. Des os, pas des os, moyen des os. Asto. Des os, pas des os, sauver des os. Le rétro gaming, perdre des os. Des os, ouais. Avant dernière proposition. Oh là là, non, c'est perdre des os. Déjà. Ouais. Oh là là. Mais c'est l'heure du dîner en famille. Première proposition, vous racontez à vos proches la fois où vous n'aviez plus de lait alors que vous vouliez un chocolat chaud, mais ça fait 150 fois qu'ils l'entendent. Ah bon, là-même. C'est moi, je radote. MDR, le daron. Deuxième proposition, vous dévisez... Grosse daronnade. Dévisez secrètement le couvercle du sel et du poivre. Ça, c'est un prankeur. Ouais. Troisième proposition, un dîner en famille. Vous voulez dire une pizza devant World of Warcraft? Ça, c'est du game. Et dernière proposition. Un pizza poivron chaud. Hein. L'occasion d'un tuto. Comment tenir sa fourchette? Pépé? C'est quoi le truc de LOL là? C'est. C'est le dos. Ah, c'est non, c'est le dos. Ouais, mais je suis pas un pranker, je suis plus un loller. Alors, j'irais plus. Là, je vais aller sur l'option vlogger. Tu vois, la une. Je raconte ma vie. Moi je raconte ma vie, c'est pareil, parce que moi je radote. Alors hop, je te mets direct. Je suis un radoteur. Je suis un mix vlogueur-doleur. Hein. Je vais faire le premier de la classe et prendre la quatrième. Le tuto ? Ouais. Ouais, moi je prendrais la première. Ouais, je raconte, je radote. MDR, non, souvent je radote. Le WoW. Le World of Warcraft. Je prends mon steak, je le mets du sel, il n'y en a plus. MDR. Et dernière question, la 7ème donc. Et c'est pas fini. Ouais. Après cette longue journée, un peu de détente s'impose. Tuto. Branlette. Tuto pour dormir. Première proposition. SMR. Non. Vous faites un petit poker en ligne. Oh ça, non. C'est du gamer ça. Deuxième proposition. Au KFC dans le canapé, vous tchatchez avec des potes en mode posey. Posey. Troisième proposition, c'est ce qu'on fait, nous, Mumble, hein. Vous réalisez un tuto pour expliquer comment faire un tuto sur YouTube. Ça, c'est méta. Ah, ça, c'est méta MDR. Ah, mais ça se fait. Et dernière proposition, vous regardez l'intégrale de Cyprien. La 2. Ouais, la 2. C'est ce que je fais tous les soirs sur Mumble. Donc moi, c'est dommage qu'il n'y a pas une bonne branlette parce que. Bah, une bonne branlette. Plus, c'est marrant, on joue à Rocket League. Tu peux être sur Mumble et te branler. Hein. Ton jeu. C'est quoi les deux premières, s'il te plaît? La première, c'est vous faites un petit poker en ligne. Ah oui. Et la deuxième, c'est au KLM dans le canapé, vous tchatchez avec vos potes en mode poker conseil. Hein. Ouais, poker en ligne, ouais. Poker en ligne avec genre 12 cartes. Non, ça c'est. La 2. Ouais. Allez. Bon, la patente est encore, alors je prends l'option quand tout à coup. J'ai juste à côté. On t'offre le guide de l'agrandissement de pénis pour enfants. Donc c'est un youtubeur sponsor. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas mis que c'était une offre sponsorisée, bien évidemment, parce que je suis un vrai bâtard. Alors, donc je vais vous dire le nombre d'éléments que vous avez. Donc, Pépé, tu as un reply, deux pouces en l'air, trois flèches play, okay, et un notification. Donc t'as un maximum de play. Okay. T'es un player. Toucheur. Ah, fait chier. Ouais. Non. Toucheur, play, belle perf. T'as 4 pouces en l'air, 2 notifications et un play. Ouais. Donc ça fait un maximum de 4 pouces en l'air. T'es un pouce en l'erreur. Ben, tu as 2 notifications, 1 plus 1, 3 play et 1 reply. Donc t'as un maximum de play. Comme PP. Ouais. Gandalf, tu as 4 play, 1 non, 5 play, 1 plus 1, un pouce en l'air et un camp tout à coup. Pour le player. Ouais. Toi, t'es et player, Asto, ouais, c'est ça. Quasiment sans faute que des pouces en l'air, à part la sauf dernière où il a fait le... Non, le Tahiti, c'est... Ah non, c'était une notification, autant pour moi. Autant pour moi. Oui, la dernière aussi. Et la dernière, j'ai pas pris le poker. C'est le play, ouais. J'ai fait une toute petite erreur. Donc, du coup, ce qui fait que t'as un maximum de pouces en l'air. Victor Orban élu. Donc, on va commencer par. T'as que des pouces en l'air ou des play. Donc, ouais, ça, c'est vite vu. C'est pour ça. Donc, le maximum de reply, c'est là où on a quasiment le moins de réponses. Il y a deux réponses, deux ou trois réponses comme ça. Donc, vous êtes 100% tuto. Vous n'hésitez pas une seule seconde à expliquer à des festivaliers comment replier leur temps de 3 secondes en moins de 2 heures. Belle perf. Maximum de notifications. Vous êtes plutôt humoriste. Et vous n'hésitez pas à créer des vidéos délirantes comptant des millions d'abonnés en deux coups de cuillère à peau, rendant jaloux les obscurs auteurs de BD. Et deux coups de cuillère à Bayonne? Non. Non, à peau. C'est mieux beau. donc ensuite, c'est quoi le plus? Oui, c'est pareil. Donc vous avez un maximum de play. Ça, c'est les vlogueurs. Ouais, vous êtes plutôt story time et vous allez vous retrouver aux côtés des tas d'adolescents qui rencontrent des moments passionnants de leur life parce que parfois c'est 100% trop la misère, genre c'est ce qui m'est pas arrivé. le joueur le bus, je l'ai raté. Et un maximum de pouces en l'air, vous êtes plutôt gaming. Pour vous, la vie, c'est avant tout du réseau, une console, un boss de fin de niveau que vous essayez de battre depuis 6 ans sans succès. Donc dernière catégorie, trop tard les meuporgs. Vous n'avez rien compris, vous êtes possiblement né bien avant l'invention de YouTube, reposez ce numéro de Spirou et replongez dans le bon vieux Gaston Lagarde. Et ça, il fallait répondre quoi pour dire ça? Si t'avais rien compris. Ah. Non, et moi du coup, je réponds... J'avais compris. Je réponds, Nan et Fistanal au fromage. Allez, on va faire le tout dernier qui est un numéro spécial la guéguerre entre Spirou et Fluide Gacial. Non, ça n'existe pas les guéguerres. Non, surtout là que c'est monté depuis quelques mois où ils s'interposaient, ils s'échangeaient par édito des vannes bien marrantes. Et donc dans ce numéro de Spirou, il y a les auteurs de Fluide Gacial qui sont dedans. Mmh. Ah bah ouais, comme quand Castéo, ils sont venus chez... Voilà, sauf que là c'est dans les deux sens, à mon avis. Et quand ils sont venus chez Toucheux et que c'est jamais reparti parce qu'on n'a jamais retrouvé. Podcast vidéo chez moi. Plutôt mourir. Alors, et tuer. Dans sa va trancher. Et alors, ils sont venus dans sa va trancher. Et alors, le jour où ils seront chez moi, ceux-là, je te dis que. Ils seront jamais repartis. Je jetterai les bouteilles de Clopipo par terre. Je l'ai pas pris là, mais en fait, c'est des couvertures qui s'emboîtent. Donc on peut les emboîter dans ce sens-là. Ouais. Ou dans ce sens-là. D'accord. Donc avant ou après, comme le tout à coup de tout à l'heure. Wow. Et là, on va faire rapidement, on va pas noter, c'est juste pour le LOL. T'es un vrai youtubeur LOL. Ouais. Question numéro 1. Au reboot de la base de données logicielle. Oui, parce qu'en fait, il y a eu un mélange de entre Spirou et Fluide Gaussien, et du coup, il faut refaire la base de données entièrement. Ouais, la barre de VPS. Ouais, c'est ça, la mise à jour. Je vous fais pas tout le fluff, mais bon, voilà quoi. Donc, question numéro 1. Reboot de la base de données logicielle. Quel est le plus jeune des deux magazines ? Spirou, qui a plus de 80 ans. Fluide Glacial, qui a plus de 40 ans. Ou dernière proposition, là je ne compte pas, c'est dans la tête. Et Spirou est évidemment celui qui a réussi à conserver une âme d'enfant. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais que l'âge, ça compte pas. Moi, je dirais c'est Spirou. Mais l'important, c'est la taille. Donc, tu dis Spirou, c'est le plus jeune. Spirou, c'est le plus jeune. Non, c'est du Pépé. Ouais, sûrement. C'est vieux, mais ça a moins de poils que Fluide Glacial. Ah, ça c'est sûr. Non, la bonne réponse qu'il fallait donner, c'était la réponse C, donc là je ne compte pas. Ouais, non. Mais ça c'est. Oh là là, gna gna gna. Question numéro 2. C'est la force qu'on a dans l'Olympique qui est important. Phase numéro 2 de la réparation. Exactement. Réparation des éléments de la structure. Quel est le créateur de Fluide Glacial ? Oh putain. Réponse A, René Cossini. Oui. Réponse B, Marcel Gottlieb. Réponse C, Toto. Ou réponse Gottlieb. C'est Gottlieb. Fluide Glacial, c'est Gottlieb. Moi, je pense que c'est Gossini. Non, Gossini, c'est pas les pilotes. C'est pilote. Mais je sais pas. Réponse A et B. Mais j'ai du mal à voir Gossini dans un truc comme Fluide Glacial. Par contre, ça colle plus à Gottlieb. Ouais, c'est bien Marcel Gottlieb qui a créé Fluide Glacial. Marcel Gottlieb, oui. Définition du programme commun. Quel illustrateur, pilier de Spirou, a aussi eu l'idée noire de travailler pour Fluide Glacial? Fragame. Donc je passe à la proposition numéro 2. Bobin de Belgique ou Raoul Gauvin. Covin. Covin, je préfère, c'est même pas sûr qu'il ait un jour travaillé pour Fluide Glacial, tu vois. Ah, là, c'est Franquin. C'est Franquin. C'est Franquin avec les idées noires. Très très bon. Mais... Donc phase de formatage des circuits électroniques de transmission. Il a été à la fois rédacteur en chef de Fluide Glacial et de Spirou. Il s'agit de réponse A, Yann Landringe. Réponse B, Eden Hazard. Ou réponse C, Thierry Tilno. Aucune idée. Tilno. Moi j'en sais rien du tout. C'est pas Eden Hazard, ça c'est sûr. Ouais. Mm-hmm. Mais pour les autres, je sais pas. Mais je sais pas si c'est qui Eden Hazard. Eden Hazard, il s'est écrit. Numéro 10 de l'équipe de Belgique. Ouais. Ah ouais. Ouais. Très bon, mais très con. Pour vous. Moi je sais pas répondre. C'est pas la B, mais je sais pas répondre. Je sais pas. Moi j'ai dit la A. C'est la A. Et bah non, c'était Thierry Tilno. Il y a rien de toi. Tilno. Mise à jour des vannes opératoires. MDR. Parmi ces trois auteurs, l'un travaille pour Fluide Glacial depuis 1977. Qui est-ce ? Lewis Rondheim ? Non. Thébault ? Ou Daniel Gossin ? Mouzin ? Gossin ? Ouais, Gossin. Gossin. Je pense Gossin, c'est lui, moi. Exactement, c'est bien Daniel Gossin. activation des empennages. Parmi ces auteurs, Spirou, lequel n'a pas travaillé pour Fluide Glacial ? Lindon, Nob, Guillaume Buzard. C'est pas Guillaume Buzard. Non, je sais pas. Je sais pas. Qui n'a pas travaillé pour Fluide Glacial. Ouais, pas. Mais je sais pas non plus. Bon, Guillaume Buzard. Hein. Qui n'a pas travaillé pour Fluide Glacial. Ah ouais. Il était dedans, t'as parlé de même pose. Je vois pas du coup. Là. Et donc du coup, c'est Nob qui fait Dads. Ah, et qui oui fait la cantoche pour les petits... Oui, ça y est, oui, là je vois. Ouais, qui dessine très très bien. Ça, je voulais qu'il dessine. Quelle série imaginaire mélange dans l'ordre Spirou, quelle série imaginaire mélange dans l'ordre Spirou, pluie, Fluide Glacial. Les tuniques brutales, Jean-Claude Tergal Paddle, ou les bidochons et Fantasio. Ça c'est cool, je prends bien ce nom. Alors je peux répéter la question, c'est quelle série imaginaire mélange dans l'ordre Spirou, puis Fluide Glacial. On recommence tout. Les tuniques brutales, Jean-Claude Tergal Paddle, les bidochons et Fantasio. La première. Ouais. Parce que la dernière c'est l'inverse, c'est d'abord Fluide Glacial et après Spirou. Et au milieu c'est ni l'un ni l'autre les tuniques. La deuxième c'est Jean-Claude Tergal et Paddle. Ouais, Tergal. Paddle c'est pas Fluide Glacial. Pedal, je sais, je sais. Tu regardes non plus. C'est pré-publié dans ce. Ah ouais, encore non, ouais. Il y a des gags de Game Over. Mais pas Targal. Un petit peu de. Targal, c'est une BD indépendante. Ouais. Ah, donc c'était Targal ou Torgal? Non, là c'est bien marqué Targal. Jean-Claude Targal, c'est pas Torgal. Ouais, Jean-Claude Targal. Donc c'était bien les tuniques brutales. Quelle série imaginaire mélange dans l'ordre Fluide Glacial, puis Spirou, Super Dupont Mastodonte, Tamara Lovely ou Dan Lucien? On a dit quoi d'abord? Fluide Glacial, puis Spirou. Donc c'est pas Tamara Lovely parce que Ralovely c'est Gottlieb. Donc c'est à la fin. La dernière c'est Dan Lucien. Lucien c'est dans Spirou? Non, c'est le truc de Marjolin avec les bananes. Ouais, attends. C'était dans Spirou? Ouais. Non. Ouais. Non, dans Marjolaine, c'était dans. Je sais pas, c'était Fluide Glacial, il y avait Manu, il y avait Marjolaine. Ouais, Marjolaine, c'est la première. Hein non, je crois qu'il était en Fluide Glacial, vachement. C'est la première, moi, je dis. Les Manu, je crois que les Manu sortaient sur. Je crois que les Manu, c'était les albums indépendants qui sortaient pas. Et la première, t'as dit quoi? La première, c'est Super Dupont Mastodonte. Super Dupont, c'est Gottlieb, donc ça peut potentiellement être vraiment du Fluide Glacial. Par contre, Mastodonte, j'arrive pas à le relier. À quoi ça pourrait être? C'est ça. Je dirais ça, moi. Donc c'était vivement ça. Super Dupont, c'est le super-héros... Quoi, soit vous? Bah c'est oui. Lui, là. Ouais. Avec sa bague... Regarde, t'as vu, lui, on a mis un saucif, là. Super Dupont qui est dessiné par Eddie K. Normalement, il est dessiné par Gottlieb. Oui, ouais. Parce que là, ils ont mis un nunchaku en saucif, là. Normalement, Super Dupont, c'est une baguette qui a soigné, ouais. Avec son béret. C'est ça. Là, c'est en plus, c'est du brick. Ouais. Bravo. Effectivement, c'est bien ça. Donc la série Super Dupont, je sais pas si elle a une suite dans son titre. Et Mastodonte, non. Ça vient de l'atelier Mastodonte, qui est l'atelier fictif de Lewis Trondheim, oui. Pascal Jousselin, la famille Jouvray, etc., etc. Qui a terminé justement sa publication. Ils ont arrêté l'atelier. Quelle série imaginaire mélange dans le désordre Fluirou et Speed Glacial? Et inversement. Ouais. D'accord. Donc, Lucky Licorne est le secret de Luc. La marque des chevaliers de l'apocalypse jaune. Alors attends, en premier t'avais Lucky Luke et le secret de la licorne. Moi je vais répondre au pif. Donc et déjà, après c'était quoi la marque jaune? Je sais pas quoi. La B. Et Sœur Marie-Nouville des Thérèse. C'est Sœur Marie-Thérèse des je sais plus quoi, attends. Des Carmels. Des Batignolles. Des Batignolles. Des Batignolles, c'est dessiné par Maester ça. Donc je dirais la C, ouais. C'était bien la réponse C. Ouais, tu vois, on a réussi. Parmi ces trois logos, celui de lequel est celui de Spifluid au roux glacial? Je comprends rien. Spifluid, le deuxième. Le dernier. Ils sont allés loin quand même, les bâtards. Ah, franchement, ça me fait rire. Moi, j'ai envie de dire le premier, c'est Mickey Parade. Ouais. Celui du milieu, c'est quoi? C'est chaud. C'est chaud. C'est le magazine où t'étais plus pré-publié, Titeuf. Je l'ai jamais lu. Mais c'est le troisième. Déjà, c'est la police de caractère de Fluide Glacial, donc c'est la dernière. Troisième. Avec les taches du marsupilami. C'est ça. Ouais. Donc, au niveau des résultats, tu as toutes les bonnes réponses. Bravo, tu es un spécialiste. Tu as relancé la BD Machine. Abonne-toi aux deux magazines pour maintenir ton niveau. Tu as entre 5 et 10 bonnes réponses, pas mal, les principes fonctionnent de la BD Machine sont opérationnels, mais abonne-toi aux deux magazines pour t'améliorer quand même. Tu as moins de 5 bonnes réponses, allez, ce n'est pas perdu, abonne-toi aux deux magazines et achète l'ensemble de la collection passée, puis on retente ta chance pour après avoir tout lu. Et viens nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Et pour finir, tu te glisses une glace à l'eau dans le boule pour te rafraîchir. Il y a marqué Mr. Breeze. Donc voilà pour moi pour ce long moment de. Oh, ça qui est une bonne petite glace dans le cul, ça ferait du bien. Ah, toi t'es pas végé du tout. Mais petite. Non, grosse. T'as cogné, ça rentre. Hein. Tant qu'il y a de la place. Donc il y a de la place. Bon, mais merci monsieur Azeltoff. Azeltoff. Comme dirait l'autre, il vous prie. Il vous prie. Non, maintenant nous allons conclure cette émission de façon totalement incongrue et totalement surprenante. Par une petite partouze. Alors là. Ah, Alors là, on rigole plus, là. La musique est dans la place. Là, c'est... Casa Lemi. C'est la Casa del Papel. C'est la Casa del Papel. Exact, exact. Donc là, nous allons écouter le... Vous savez qu'ici, je suis très Startup Nation. Bien sûr. Donc, nous allons écouter le Titan de Carbone. Et voilà. Il n'y a même pas les auteurs parce que je ne les ai pas. À la prochaine. Allez, chat. Désolé pour la musique. Extraordinaire. Hubert, Thibaut, venez vite voir. Que se passe-t-il, Dr. Fils ? Grâce à mon faisceau ultra-laser à tête nucléaire, j'ai pu subfusionner la matière bionique multisoupape que j'ai ensuite décompressée à très haute température pour isoler ensuite ces quelques grammes de matière que voici. Waouh ! Mais qu'est-ce donc que cela ? C'est du titane de carbone. Et c'est une révolution. Le titane de carbone, c'est une révolution. Plutonium, silicium, il faut faire attention. Titane de carbone, c'est une révolution. J'en mets sur PlayStation, ça lit les CD-ROM. Le titane de carbone, c'est une révolution. Plutonium, silicium, il faut faire attention. Le titane de carbone, c'est une révolution. J'en mets sur PlayStation, ça lit les CD-ROM. Le titane de carbone, c'est une révolution. Plutonium, silicium, il faut faire attention. Le titane de carbone, c'est une révolution. J'en mets sur PlayStation. Salut les CD-ROM. Heureusement que c'est pas une nage chauffante, sinon ça ferait des omelettes. Le titane. Le titane. Le titane. Le titane. Le titane. Extraordinaire. Ah, il veut dire quelqu'un qui rentre et il se fait toucher. Hein, jeune gens. Le titane. Le titane. Le titane. Le titane. Le titane. Le titane. Le titane. Hein, jeune gens. C'est tout à fait extraordinaire. Le titane de carbone, c'est une révolution. Plutonium, silicium, il faut faire attention. Le titane de carbone, c'est une révolution. J'en mets sur PlayStation, ça lit les CD-ROM. Le titane de carbone, c'est une révolution. Plutonium, silicium, il faut faire attention. Le titane de carbone, c'est une révolution. J'en mets sur PlayStation, ça lit les CD-ROM. C'est du titane de carbone. Waouh. C'est tout à fait extraordinaire. C'est du titane de carbone. Et c'est une révolution. C'est une révolution. Plutonium, silicium, il faut faire attention. Titane de carbone, c'est une révolution. J'en mets sur PlayStation, ça lit les CD-ROM. Le titane de carbone, c'est une révolution. Plutonium, silicium, il faut faire attention. Titane de carbone, c'est une révolution. J'en mets sur PlayStation, ça lit les CD-ROM.